23 janvier de l'année 2025, c'est la date où est produit cet enregistrement. Donc, en compagnie de Mona, que vous pouvez voir à l'écran, et moi-même, David, que vous pouvez entendre au micro. Donc, tout d'abord, bonsoir, Bouda, ça va bien? Oui, bonsoir, David. Oui, je vais bien. Bonsoir, tout le monde. Et je salue, bien Demain. entendu, toutes les gens qui nous écoutent également. Donc, on a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés ce soir, que ce soit au niveau de la politique locale, internationale, de la conscience aussi. Donc, parce que ça fait environ un an qu'on s'est parlé déjà. Donc, le Oui, temps passe vite. Et puis, ben, c'est l'occasion aussi pour moi de te souhaiter une très belle année 2025. C'est la madame, elle. Oui, merci. J'ai pas l'habitude de souhaiter bonne année. Ça fait longtemps que j'ai décroché de ça, mais c'est gentil, merci. Que puis-je te souhaiter, David? Bien, en fait, je pense qu'on peut souhaiter le bonheur, la santé, la fortune, la richesse. La paix, peut-être? Oui, la paix également. 2025, c'est l'année de la paix. Ça rentre. On va espérer. En fait, donc, il y a beaucoup de sujets. Je me demandais, est-ce que tu peux te déplacer un petit peu sur ta droite? Parfait. Donc, des fois, des petits ajustements comme ça à faire en début d'enregistrement par rapport au cadrage. Et puis, avant de discuter là, de différents sujets ensemble, eh bien, je voulais mentionner aux gens qui nous écoutent que Mona est professeure de yoga et également de pilates thérapeutique, toujours à date d'aujourd'hui. Donc, tu donnes toujours des cours en présentiel à Montréal. Oui, c'est des cours maintenant, c'est des cours semi-privés, 6 personnes maximum, en pilates ou en yoga, pour dos sensibles en général, mais pour du monde normal aussi. Puis je fais aussi de l'instruction supramentale occasionnelle. Donc, quand tu dis instruction, dans le sens que tu donnes du coaching? C'est un mot que semble-t-il faut que j'élimine. Instruction supramentale ou instructeur supramental. Tu te rappelles de notre ami Pierre-Luc, Pierre-Luc? qui est décédé, en fait, pour les gens C'est pour qui ça que je nous dis écoutent. ça, c'est pour lui que je dis ça, justement. Parce que c'est lui qui m'imposait de dire instructeur supramental et non coaching supramental. OK, c'est quoi la distinction qui est donnée à ces La deux termes? vibration. Le mot, quand tu vibres, quand tu dis le mot vibration, coaching, c'est pas la même vibration qu'instructeur. OK. Donc, pour les gens qui nous écoutent, Mona, à plusieurs reprises, a fait des enregistrements en compagnie de Pierre-Luc, moi-même également. Donc, ça a été une personne qui a œuvré à la diffusion de la conscience supramentale, qui n'est plus de ce plan au moment où on se parle en 2025, étant donné qu'il est décédé en 2024. Et en fait, je voulais un petit peu discuter par rapport à ça avec toi, étant donné quand même que ça a été une personne qui, pendant de nombreuses années, a travaillé à diffuser sur Internet des enregistrements dans l'optique de véhiculer la conscience supramentale. Puis aussi, Pierre-Luc le répétait régulièrement que, il y avait un mandat de développer une école en lien avec la diffusion de la conscience nouvelle. Donc, suite à son décès l'année dernière, comment tu te sens par rapport à ça? Je vais paraître un peu refroidie, là, mais pour être sincère avec les auditeurs, je n'ai pas senti grand-chose de déception ou de peine. C'est un homme que j'ai connu vers la fin de sa vie, moi, personnellement. Donc, je l'ai croisé peut-être 6, 7 fois. Peut-être, je ne me souviens pas combien on a fait de trucs ensemble, 5 ou 6. Puis, on a eu l'occasion d'échanger en privé. Ce qui m'a fait apprécier Pierre-Luc principalement, c'est qu'il était complètement en ouverture. Puis en même temps, il nous amenait toujours un petit quelque chose qui venait nous faire un petit éveil, une petite prise de conscience. J'aimais ça échanger avec lui pour ça. Mais je ne l'ai pas bien connu, c'est pour ça que je ne veux pas élaborer longtemps sur la personne. Puis je n'ai pas vécu de déception parce que je n'étais pas attachée tellement à la personne, mais j'apprécie le travail qu'il a fait. Jusqu'à présent, ils ont laissé son travail en ligne, alors je trouve que c'est pas perdu. Au contraire, des gens qui peuvent profiter de son enseignement. C'est une forme d'enseignement. Oui, puis il avait fait Le le. projet de l'école, ben ça, je Oui. sais pas. Moi, j'ai pas repris son idée. J'ai pas de mandat ni de mission, moi, dans la vie. Donc, je n'ai pas parti ça. Je sais pas qui pourrait reprendre la relève. Je pense que ce serait une bonne chose qu'il y en ait une école un jour. Mais quelle forme, tout ça, je ne sais pas. C'est pas dans mon plan de vie, j'imagine. Moi non plus. Puis, c'est sûr que la mise en garde qui peut être faite par rapport à ce type de projet-là, c'est le risque de dérive sectaire si le projet d'école tombe en des mauvaises mains. Même sans mauvaise main, tu sais, est-ce qu'on a encore besoin de ce genre de choses qui devient inévitablement des dogmes avec le temps? Je suis pas sûre que ça répond à la prochaine étape de la race humaine, là, parce qu'on rentre quand même dans la sixième race racine solide, là. C'est peut-être pas le profil, je sais pas comment le dire, la structure est peut-être pas nécessaire. Il n'y a pas de hasard, là. Si c'est pas là, c'est parce que ça n'a pas d'affaire là. Je me questionne pas trop. Non, exactement. Bon, c'est sûr que ça a été un événement marquant pour les gens qui l'ont connu l'année passée, son Il y a du monde qui l'ont décès. bien connu, David. Il y a du monde qui Oui. l'ont bien Bon, en tout cas, connu. moi, je l'ai J'en suis malheureuse, connu, pas je l'ai une. connu pendant plusieurs années. Où je l'ai interviewé, j'ai même échangé avec lui dans le privé. Donc, c'est un homme d'une très grande sensibilité, c'est ce que je peux Oui, dire. très grand. Oui, Très grande capacité extra-sensible. d'écoute. Oui, c'est ça, il était très à l'écoute aussi des gens. Et puis, il a accompli ce qu'il avait à accomplir, dans un sens qu'il a laissé plusieurs enregistrements derrière lui, des textes aussi en grande quantité sur le web. Donc, je mettrai les liens par rapport à son matériel en bas de l'enregistrement. Et aussi, toi, je mettrai les coordonnées dans le sens que toi, tu continues quand même tes activités. Non pas par rapport à une école de la conscience, mais une école de Pilates et de yoga thérapeutique que tu as toujours. Donc, sinon, c'est sûr que par rapport à ça, est-ce que, dans le fond, tu avais des coordonnées à dire là, de manière audio? Ben, le plus simple, pour ce qui est du volet yoga et pilates, c'est à travers le courriel. Je pense que tu le mets, info@yogasanticité. C'est toujours le même que OK, toujours. ça n'a Tu pas le mets. changé au fil des ans. C'est ça. Pour l'instruction supramentale, pour ce volet-là, me contacter au même courriel, puis on verra. Mais mon enseignement, j'aime bien ça. J'aime bien, bien ça cette année. Quel OK. fun! Bon, ben, Pour la tant mieux si première tu fois, je t'abuses. m'amuse. Bon, Enfin! ben, ouais, mieux vaut tard que jamais, hein? Ça finit par être intégré. Je ne veux pas en parler longtemps parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est un travail de 40 ans sur le corps physique pour régler ma problématique à moi, mais je me suis rendu compte que ça a amené des solutions pour bien du monde qui n'ont pas des problématiques graves comme moi, j'avais, tout simplement. Non, ça. Alors, vous parlez à quelqu'un qui serait en chaise roulante normalement à 60 à 40 ans. Ben, c'est bien que tu as réussi à aller à l'encontre parce qu'on s'était déjà parlé là, des diagnostics d'un médecin là, qui était assez sombre et pessimiste par rapport à toi. Ouais, pas mal. À 25 ans. Mais c'est en tout cas, on en reparlera. Ben, ça fait partie aussi d'un processus de développement supramental puis de connexion avec d'autres choses que de l'astral puis des hosties d'esprit. Tabarnak. Oh, pardon. Elle est partie. Non, Bon, je non, lâche. mais il faut être en contestation. Moi, je Ah, conteste moi, les tout. esprits, c'est ancien énorme. Les hosties d'esprit spirituel à mort, puis qu'avant. Vaut mieux. Ben, moi, je conteste tout, que ce soit le plan astral, le plan supramental, parce que ici, sur la Terre, c'est un crisse de bordel. Quand on regarde ça, là, on a des gestionnaires qui. Manque, en tout cas, à plusieurs niveaux là, de jugement, à mon avis, là. Ça dépend de comment on regarde tout ça, hein, David. C'est à 40 000 pieds de haut ou collé dans l'arbre, c'est bien différent. Ben, moi, je regarde ça comme un être humain qui a composé avec un merdier planétaire où on a des dirigeants tout croche, que ce soit au niveau du Canada, avec Justin Trudeau, qui a doublé pratiquement la dette du pays alors qu'elle était au pouvoir. qui a amené des problèmes sociaux importants avec, entre autres, l'immigration massive. Il a fait entrer massivement des gens, sauf que les gens, quand ils arrivent ici, ils n'ont pas nécessairement des logements ou des maisons. On a eu des... Massivement et souvent illégalement aussi. Aussi, ben, il disait qu'il était bienvenu. Il disait, il souhaitait la bienvenue aux demandeurs d'asile. Et ben oui, Oui, je il sais. disait qu'on est une terre J'ris parce que d'asile. c'est Puis là, tellement, c'est tellement débile. c'est ça. Puis après ça, après ça, on chiale que c'est l'asile. Tu sais, on est une terre d'asile, puis on fait venir, puis ça tourne Ça revient mal. pas mal l'asile. C'est Puis là, il bon est comme obligé de terme. diminuer Oui, ça l'immigration revient l'asile. massive. Là, il est obligé de se réajuster. Puis là, il démissionne. Récemment, on a appris qu'il annonçait sa démission. Et puis, par rapport à Justin Trudeau, qui nous quitte. Mon petit, fais donc pitié. Mais pour moi, ça fait partie d'une game bien plus grosse. Pour moi, le Canada, c'est une goutte d'eau dans l'océan présentement, hein, en passant. Je ne le regarde pas d'un point de vue juste. Tout ce que tu dis, je suis en accord avec ça. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe au Canada. Mais le Canada, c'est un mouvement mondial. Il y a quelque chose de beaucoup plus gros qui se passe. Puis moi, c'est plus ça que je regarde. C'est pour ça que j'aime la géopolitique mondiale. Parce que le Canada va devoir suivre un jour ou l'autre. Le Ben, Canada, il faudrait peut-être en parler. Hein? Commençons par comprendre que ça ne nous appartient même pas. Hein? On ne s'appartient même pas. On est une colonie. Arrêtez de nier, c'est moi. La Terre ne nous appartient pas. elle appartient à qui alors? Alors, je vais le dire, l'Angleterre, les anciennes royautés, ça n'a pas changé, ça, là. On n'appelle plus l'Angleterre l'Angleterre, mais c'est la même gang de marde. Sont propriétaires de la terre ici. Il n'y a rien de changé. Depuis, je ne sais pas combien de centaines d'années, là. Je n'ai pas très, beaucoup de mémoire, mais la terre ne nous appartient pas ici. Ben, c'est-à-dire À un que le moment donné, il va falloir Canada, se c'est une réveiller. monarchie constitutionnelle. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on est encore influencé avec des lieutenants-gouverneurs qui nous rattachent à l'Angleterre, là. Donc, Bon. on est un Mais peuple je ne veux sous pas trop partir. influence. Ouais. Oui. Vas-y, on est un peuple. On est un Moi, peuple sous j'investis pas trop dans influence. le négatif. Hein. Faites bien attention. Moi, le peuple de dire que je ne sais pas si c'est ça que tu vas dire, là, mais je suis tannée d'entendre bâcher que les Québécois, c'est des trous de cul. Là, j'en ai ras le cul. C'est pas réel, ça. On est un peuple, mais on n'est pas des hosties de connards. Je suis plus capable d'entendre ça, la division. On essaie de nous diviser, de nous faire sentir encore plus minables. On est du bon monde. Le problème, c'est qu'on est trop bon, trop con, là. Mais on est quand même du bon monde en crise. Puis c'est la naïveté, la crédulité qu'il faut brûler. Arrêtez de traiter le monde de trou de cul puis d'innocent tout le temps. Non, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, le taux dénigrement collectif, ça a ses limites. C'est bien Ben, d'être c'est un. collectif, c'est ça, c'est collectif, c'est ça. Mais à un moment donné, on parle d'évolution collective ou on parle de l'individu? Parce qu'on ne peut pas mélanger les deux. La collectivité se développe à sa vitesse, on peut l'analyser, le regarder. Mais même là, bâcher sur tout le monde, dire qu'on est tous des idiots, puis on est tous des cons, puis le Québec est de la merde, puis on n'a pas de colonne, puis on est des édentés, des covidiots. Écoutez, là, à un moment donné, ça finit où, ça, si c'est pas divisé pour régner? D'où vient la pensée? On a-tu oublié que la pensée vient d'ailleurs? Ou... Qui nous passe ça dans le corps, là? Les esprits qu'on parlait, là? Les grands spirituels de la planète qui assassinent tout le monde, puis que c'est donc correct d'assassiner un tel, puis là, si t'es un transgenre, puis t'as le droit de pas être transgenre, tu sais, toi, t'es fucké. Faudrait s'aimer tout le monde. Ça s'entretue. On est de plus en plus en guerre l'un contre l'autre, les humains contre les humains. Pendant ce temps-là, on se fait enculer par le sang-vaseline par en haut, tu sais. À un moment donné, la vie sur la terre, il va falloir la choisir, puis d'être heureux. Calisse! Mais ça prend de la Arrêtez de se colère puis plaindre! de l'autorité pour, dans le fond, être capable de s'affirmer pour pas se laisser rabaisser puis à parler les discours Ben, c'est des pensées d'autodénigrement qui nous viennent, collectif. Oui. qui n'arrêtent pas de nous venir à l'esprit qu'on était ici, qu'on est donc con, qu'on est donc ci, on est endetté, sa faute à Trudeau, sa faute à l'autre. Ça va-tu finir, ça, là? Ils ont quand même une part de Individuellement, au moins? responsabilité. C'est-à-dire, Justin Trudeau, il a quand même une part de responsabilité. Ah, il y en a une. Collectivement, ce gars-là, pour moi, s'il n'est pas pendu par les pieds, il devrait être au moins en prison puis défortuné. Collectivement, ça devrait être sa réaction ou l'action qu'on devrait faire. On verra l'avenir. En passant, David, tu te rappelles, J'avais parlé dans le temps que des choses qui se sont passées telles que je l'ai dit, hein. Pas parce que je vais avoir raison, c'est juste que je me suis réécoutée et j'ai été surprise en passant. Quand j'ai dit des choses sur il n'y aura pas de guerre mondiale, il y en a-t-il une guerre mondiale? Pas vraiment. Est-ce Ben, qu'il y a c'est-à-dire qu'il la y en guerre a. entre l'Irak et l'Iran, Ouais. puis tout ça pognera pas l'autre bout. Je l'ai dit, ça n'a pas pogné. Il y a plein de choses. Trump revient au pouvoir, il est revenu au pouvoir. Oui, ça, Trump, je me rappelle, tu avais annoncé qu'il reviendrait au Ben. pouvoir. J'en ai parlé de la guerre mondiale aussi. J'ai toujours dit que ça ne reviendrait pas, cette guerre-là. Ça ne se passera pas de même. Par contre, C'est une autre dans le guerre. fond, On est dans la la guerre. Il n'y a fraude pas une guerre mondiale. électorale qu'il y avait eue pour les élections de 2020 n'a toujours pas été reconnue. Ça Donc, va se faire. En 2000, aux États-Unis, il va repasser dans l'élection 2020. Ça ne peut pas ne pas se faire. on verra Puis là, bien on parce parle des que États-Unis, là. pendant ce temps-là, Biden a été au pouvoir pendant 4 ans, alors que il y a plusieurs personnes qui disaient, ben lui, il durera pas longtemps, il va être destitué à cause qu'il y a eu fraude électorale lors des élections de 2020. Ben, moi, je sais pas, je mets ça. Ben, en tout cas, il y en a qui l'ont dit sur Internet. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, mais si on essaie de rentrer dans trop les détails, parce que moi, pour moi, c'est un mouvement de changement de vibration sur la planète qui se passe. Tout ça amène dans la forme des changements Oui. inévitables. Maintenant, si tu regardes ça, ça dépend toujours qui parle, puis de près ou de loin. Comment on regarde l'événement, ça? Je dis, si je regarde à 40 000 pieds, tout va très bien, pas ça. Tout va très bien. Ça se passe. Enfin, on vit la fin de quelque chose pour rentrer dans d'autres choses. Mais là, si tu regardes ça demain avec le nez dans l'écorce, tu vas dire, si, ça va pas bien. Dans le collectif, c'est pas facile présentement. Effectivement. Mais c'est la fin d'une grosse, grosse, d'un énorme cycle et c'est mondial. Puis les États-Unis, qu'on le veuille ou pas, qu'on les haïsse ou pas, moi je les haïs pas, je trouve ça drôle, je dis que les Américains sont passés de l'adolescence à l'adulte, enfin. Ben, est-ce que tu Enfin. trouves que Donald Trump se comporte comme un adulte dans ses relations avec Je les autres parle pas de pays, dont le Donald Trump, je Canada? parle. Ben, c'est quand même Donald celui Trump. qui a été élu pour Je veux pas parler de représenter Donald le Trump, peuple David, c'est américain. trop. David, je veux pas parler de Donald Trump parce que pour moi, Donald Trump, c'est un pion comme un autre. Oui, mais Il est c'est. au service de quelque chose d'autre. Oui, Le mais. clown, il fait le clown, là. Oui, mais écoute, c'est C'est un un acte. intimidateur, il menace le Canada, il fait du Ouais. chantage avec le peuple canadien en disant qu'il va avoir des droits de douane de 25% à l'égard de Il a le droit. l'importation des pays, Il a le des droit. produits canadiens. Ben oui, il a le droit parce qu'il y a une condition à ce qu'il dit. Puis moi, j'y donne raison, je suis désolée pour vous autres. C'est que la frontière, c'est une crise de passoire, c'est un hostie de problème, autant pour eux autres que pour nous autres. Ben, Fait que je suis justement, sûre qu'il faut que ça se règle la c'est un passoire, la problème. frontière. Pourquoi qu'il s'en Attends, est. j'ai pas terminé. Oui. Un instant, j'ai pas Oui, fini. vas-y. Le pire drame de la frontière qu'on vit au Canada, c'est que le Québec n'existera plus bientôt en passant, parce qu'il y a l'immigration massive au Canada qui se fait légalement. C'est massif. Puis à travers ça, il y a la passoire qui est massivement aussi très ouverte. Hein? Conséquence, dans 30 ans, le Québec n'existe plus, le Québécois. Alors moi, je pense qu'il y a une crise de problème à la frontière à régler, puis ça presse. Voilà ce que j'en pense. Ben, en fait, ce que je te dirais, c'est que Justin Trudeau, il a invité massivement les réfugiés, puis c'est une politique implicite d'assimilation du peuple québécois pour le noyer dans un bassin de gens issus d'un peu partout. Mathieu Exactement. Bock-Côté, notre grand intellectuel québécois, en parle régulièrement. En fait, c'est un agenda qui vise à noyer le faible noyau nationaliste qu'il y avait au Québec, dans un bassin multiculturaliste qui est voulu par le Parti libéral et tous les gens qui sont libéraux, parce que ces gens-là, tantôt, naturellement, ils voteront pas pour l'indépendance du Québec, ils viennent immigrer pour vivre au Canada. Exact. Oui, mais on est chanceux malgré tout, parce que ce qu'on ne sait pas, peut-être que le monde le sait, là, mais et toi? Mais là, statistiquement, les preuves de ça, je ne me rappelle pas où j'ai lu ça fait longtemps. Mais ce que je sais, c'est que l'immigration, les gens ne restent pas au Québec. 75 % de l'immigration qui vient ici repartent en dedans de 5 ans. Les raisons, trop froid, trop pauvre, puis une culture, la langue difficile. Il se déplace. Donc, on a un peu de temps. Parce que si on, ben ça me fait rire parce qu'il reste pas au Québec. La plupart des gens émigrent soit vers l'Ontario, soit vers l'Ouest canadien qui est Vancouver. Puis juste Vancouver est en train de s'écraser complètement économiquement avec tout le beau de l'accueil de tous et chacun. C'est woke au bout de Vancouver. Mais les choses, Fentanyl et compagnie. oui, ben la drogue également, c'est une porte d'entrée sur le fentanyl Par qui nos fait des frontières ravages qui au sont des Canada. passoires, toujours la passoire de la frontière. Mais par rapport Fentanyl à, et compagnie. c'est ça, mais par rapport Hein? à, oui, entre autres, mais par rapport à ça, moi, ce que je dirais, c'est que si Trump veut régler le problème d'immigration illégale par rapport à la frontière, ben c'est à lui qu'il gère de son côté. Il n'est pas obligé d'impliquer le Canada pour de son bord. Lui, dans le fond, de son côté, s'il veut construire un mur, j'ai aucun problème entre le Canada et les États-Unis, comme il veut faire avec le Mexique. Qu'il s'en occupe de son bord. C'est pas nécessairement à nous autres à gérer ça. Bon, moi, je suis bien contente qu'ils mettent de la pression sur je ne dirais pas ce que je pense de Trudeau, parce que les mots me manquent. Ben, Au contraire, ils mettent de la pression puis qu'ils en mettent plein. Une gang de pas de colonne, voyons donc. Non, non. Puis le Canada, 70% de nos exportations s'en vont aux États-Unis. Voilà si on a les moyens de faire la guerre aux États-Unis, notre meilleur allié. Voyons, allumez, c'ti. On dit comme Bernard dans le temps, Chris, allumez vos lumières, c'est le temps tabarnak, les êtres de lumière, Mais hein? en même temps, est-ce que c'est intelligent que le Canada ne riposte pas aux menaces de Trump, donc laisser intimider. On n'a rien qu'à régler notre frontière, c'est Ah simple, non, puis non, c'est ben avantageux des deux côtés. à un moment donné, quand il y a eu des mesures qui ont été annoncées pour amener une plus grande sécurité à la frontière, parce que comme le gouvernement du Québec a engagé là, des gens qui vont surveiller la frontière et avoir des drones, Trump n'a pas changé de discours. Fait que c'est pas De juste quoi une. tu parles? Attends un peu, là, David. Le Québec a envoyé quoi? Des drones? Mais Il ça va y avoir de relève la. même pas du Québec, l'immigration. Ben, en fait, pour C'est surveiller. canadien, l'immigration. Ouais, Canadien, c'est de l'immigration, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des zones sensibles liées au Québec où ce qu'il va y avoir Okay. des agents déployés pour surveiller la Ah. frontière et aussi la surveillance par drone. Donc, il y a eu des annonces qui ont été faites. Peut-être que je déforme entre le Québec et le Canada, mais je sais qu'il y a eu des mesures, puis il va dépenser au-dessus d'un milliard là-dedans, le gouvernement. Pour qu'il y ait une plus grande sécurité, mais en dépit de ça, Trump continue le chantage puis les menaces. Puis moi, je crois que c'est plus une question qu'il veut mettre en application le principe America first, c'est-à-dire que les Américains d'abord travaillent au lieu de nourrir l'économie des autres peuples, qu'il y ait un plein Ça, c'est emploi aux vrai. États-Unis, qu'ils mettent fin au chômage aux États-Unis. Donc, les Américains achètent Américains d'abord, donc c'est une forme de protectionniste économique. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plus ça que juste la question des frontières là, qui est derrière son argumentaire. Pas dans sa tête, fait que je ne sais pas. Moi, j'entends ce que j'entends, là. C'est parce que là, on essaie de deviner ce qu'il pense. Moi, je ne sais pas de deviner ce que pense Trump. J'écoute ce qu'il dit. Puis ce qu'il dit, c'est fermez vos frontières, occupez-vous de vos frontières, puis du fentanyl, puis je ne mettrai pas 25% sur vos produits. Maintenant, s'il pense autre chose, s'il fait autre chose, on verra. On peut-tu attendre de voir si le lion va chier, tu sais? On verra bien, mais sinon, pour ce qui est de Donald Trump, toi, suite à son élection, comment t'as pris la nouvelle? Voilà. Ça ne change rien pour nous, là, pour l'instant. Pour moi, Ben, moi, c'est à mon un avis, mouvement. J'ai oui. trouvé le mouvement intéressant. Je trouve qu'il se passe quelque chose aux États-Unis de pas mal plus intéressant qu'ici, en tout cas. Et au moins, ils essayent autre chose, eux autres. On verra Ben, si Trump, jusqu'à présent, il oui. fait ce qu'il a dit, hein, en passant. Hein. Oui. Il n'y a même pas 3 jours d'élection, là, de fait. Puis il a déjà pas mal fait ce qu'il avait. Il avait dit qu'il fait des choses, puis il est fait. Maintenant, c'est ça, regardez, si on parle de la politique vraiment collectivement, là, moi, ce que je regarde, c'est les faits, c'est ce qu'ils disent, puis ce qu'ils font. Que tu sois d'accord ou pas avec ça, c'est une autre histoire, là, mais c'est ça que je regarde. Puis ici, ben, tout ce qu'ils disent, ils le font jamais. Fait que quand tu me dis que le Québec envoie des drones, même là, ça a monté, tu sais, c'est comme, ah ouais, on verra bien s'ils font quoi que ce soit. Ici, ils nous mentent tout le temps. Et tu penses qu'ils nous mentent pas aux États-Unis? Pour l'instant, ce que je dis, c'est que donne une chance au coureur. On verra s'il fait ce qu'il a dit de faire. Il l'a dit pendant 4 ans. Moi, je l'ai suivi 4 ans. J'ai écouté beaucoup de ses conférences. Il répétait en masse, là. Fait que je le sais ce qu'il est supposé faire. On verra maintenant s'il le fait. Oui, Mais là, on je suis peut-tu lui donner d'avis 3 jours c'est et demi? sage de juger l'arbre à ses fruits, c'est-à-dire C'est ça. voir concrètement qu'est-ce qu'il va faire. Néanmoins, Il a dit qu'il réglerait Israël l'an dernier. On verra s'il règle Israël l'an dernier, parce qu'il a dit qu'il réglerait Israël. Là, il a traité Netanyahou de pute. Là. Je sais pas, pour un gars qui est sioniste, supposément que Trump est sioniste, je trouve qu'il va faire un peu avec Netanyahou en le traitant de pute. Il a son of a bitch qu'il a dit. Ah, ben, il a traité Il nous a trahis. Il a trahi Justin les Trudeau de Américains, qu'il a gouverneur. dit. Pardon? Il a traité Justin Trudeau de gouverneur. Au lieu de le traiter de Ah, premier ça, ministre du Canada, parce qu'il ça c'était venait. drôle. Oh. Mais il Oui, était mais. sincère, parce que là, il y a un agenda. J'ai l'impression que c'est un Bon. mégalomane. Il veut annexer le Canada pour que ça devienne un 50e État américain. Il veut annexer le Groenland et reprendre le contrôle du canal de Panama. Annexer, là, c'est voter. C'est pas, il va pas venir envahir ta frontière. Il va, il, si, premièrement, pourquoi qu'on laisse pas les gens décider qu'ils fassent un référendum? Si le Canada veut joindre au. C'est chaque province. Il devrait avoir un référendum sur chaque province. Voulez-vous vous joindre à point barre, Steve, puis Ça, c'est la voter, voie point barre, puis arrêter de démocratique. tricher. Ça, c'est la voie démocratique, mon homme, mais Ben, il y a d'autres. c'est comme ça. Ben oui, mais David, il viendra pas envahir ton pays. C'est pas ça. Trump, vous comprenez? Moi, j'aime. C'est du harponnage. Il lance des trucs, on verra. Mais il y a le langage politique, puis il y a en arrière-plan ce qu'ils disent pas, en avant-plan qu'il faut. Le langage diplomatique, c'est pas le langage que tu entends à télé, ce qu'il dit à télé, puis ce qu'on a entendu à télé ou sur les réseaux. C'est très différent. C'est deux mondes, le langage diplomatique versus. Fait qu'on verra, là. Il provoque plein de choses. Il a pas arrêté de baver Trudeau, puis là, si Ben j'avais été à moi, je sa le vois place, comme je un serais payé jeune à traite. enfant dans une cour de récréation qui va intimider les autres. Je le vois carrément comme ça, comme Pas moi. personnage grossier, mal foutu, qui va être arrogant, qui va provoquer, qui va insulter les autres gratuitement. T'en penses ce que tu veux, mais je le vois pas comme ça. Ben, Fait que. on verra qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr Le que. personnage est une chose, mais la personne, ce qui passe à travers lui, est une autre. On verra ce qu'il fera. Il faut faire la différence entre le personnage et la personne. Mais je comprends ce que tu dis. La plupart des gens, c'est ce qu'ils disent de lui. Fait que. Mais moi, je pas ça, je vois. Qu'est-ce que je te dis? Je vois pas de même. Ben Je le moi, trouve drôle. Je meurs de rire quand je l'écoute. Je pisse des fois quasiment dans mes je culottes. le vois pas Il comme faut un que je. je le vois pas comme un ange. Moi, j'ai l'impression qu'il y a Non beaucoup plus. qu'il y a Ils ont beaucoup de. toutes les mains sales. Regarde, on va mettre ça clair. Ils ont toutes les mains sales. Que ce soit Poutine, Trudeau, toutes. Toutes. Fait que c'est-tu clair, là? C'est-tu réglé? Ils ont toutes les mains sales. Poutine, c'est pas un ange. T'es dans le KGB ou je sais pas trop quoi. Peut-être que Trump, je sais pas, il a peut-être été espion. Je sais plus. Ça, c'est plus. Regarde, il a peut-être ploté une couple de bonnes femmes. Ils ont toutes. On peut-tu s'arrêter là? Il n'y a rien de parfait, là. Faut en part où? Sinon, Israël-Palestine ne se réglera jamais. Ah ben si, ça fait des années que ça. Ça finit plus. Ça. Là, maintenant, il faut arrêter et regarder ce qu'ils disent et ce qu'ils font. À partir de. Moi, c'est là que je pars. Parce qu'il faut remettre les pendules à zéro à un moment donné. Sinon, la liste d'épicerie est longue demain. Il n'y arrivera pas. De Non, c'est ça, reproches, mais ça ne marche pas de il y même. a beaucoup de polarisation par rapport à lui parce que, en fait, C'est Trump, sûr. pendant toute la période électorale et pendant toutes les années aussi avant qu'il a été au pouvoir, les médias de masse l'ont Non, continuellement pas, c'est ça. L'ingénierie dénigré, pris en sociale. défaut. Ils ont pris des extraits de ses discours de quelques secondes de manière à lui faire ombrage. En fait, Ben, ils ils ont tout viennent de le fait faire pour là, avec Elon discréditer. Musk. Regarde, Elon Musk était Dieu il n'y a même pas un an. Les 2 ans, il était Dieu quasiment pour eux autres. Là. Puis là, d'un coup, il change de bord. On ne sait pas trop pourquoi. Ça serait à checker, mais je ne sais pas encore. Il change de bord, il décide. Je pense qu'il a changé de côté à cause de son enfant qu'il a perdu. Il en a parlé une année. Mais tout ça Ben, pour c'est-à-dire qu'il dire que là, s'oppose au aujourd'hui, il mouvement est des ostracisé dans les transgenres. médias, puis c'est un diable, puis c'est un milliardaire, il est dangereux pour la liberté, c'est un fou. Il a fait Heil Hitler quand il était fou. En fait, vous ne l'avez pas suivi, Elon Musk, pour dire ça. Parce que quand tu connais un peu Elon Musk, ça aussi, je dis, j'ai suivi beaucoup les choses dans les derniers 4-5 ans. C'est un Asperger, autiste Asperger, très mal à l'aise physiquement. Puis ils ont des spasmes des fois aussi, ces gens-là. Mais là, il est excité comme une puce, il sautait comme un ballon. Écoute, on a raison d'en faire une scène, tu sais. Ben, en fait, pour ce qui est Heil Hitler, du c'est pas ça qu'il geste, faisait pantoute, là. non, en fait, c'est qu'il prenait la main comme vers son cœur, puis la tournait vers l'avant. Donc, dans une espèce de geste de gratitude, là, un peu comme des fois C'est Céline Dion ça. faisait un geste, là, Je où. vous aime, je vous aime. Oui, C'est c'est ça, ça. exactement. Puis là. Mais c'est Ça ça, t'est l'ingénierie détourné de son sociale. Ça fait dix contexte. ans qu'on est sur le cas de Trump, tu sais. Tout Ben le monde là, l'a eu. c'est son Mais acolyte. en Fait que fait. là, c'est pour ça que les gens vont comme l'haïr. C'est comme programmé pour que les gens le détestent aussi parce que il marche main dans la main avec Donald Trump. C'est ça. Et c'est Il y sûr a que. Kennedy aussi. Oui, exact, qui a été discrédité comme étant un anti-vax. Moi, je leur donne une chance. Moi, je lui donne une chance. On regarde ce qu'ils font faire jusqu'à présent. Tu vois, là, ils viennent de mettre un. Ça, c'est intéressant, là. Ils viennent de bloquer toutes les agences de santé. Blackout. Les agences de santé n'ont plus aucune information transmise. Ils vont faire le ménage des. Ils vont tous aller faire des backups des bases de données. Ils vont aller fouiller là-dedans pour savoir ce qui s'est passé, là, quand tout le monde disait que le vaccin était non bon pour la santé. Hein? Ils ont bloqué le NIH. Il y a trois agences à trois lettres que je ne retiens jamais, là, mais qui sont reliées à la santé, dont le CDI. C'est comment le Le système de CDC, santé? si je me trompe pas. Oui, ça. En tout cas, ils ont bloqué tout ça, là. Ça, c'est au quatrième jour. Ça aussi, ils l'avaient dit qu'ils le feraient. Ça veut dire qu'ils enquêtent sur ce qui s'est passé. C'est ça que ça veut dire qu'ils vont enquêter. Mais en fait, juste pour revenir sur Trump, ce que je voulais dire, c'est que les médias de masse l'ont Oui. dénigré pendant plusieurs années. Ensuite, les médias alternatifs, dont Alexis Cossette-Trudel, en ont fait la promotion. Et puis, il y a eu un clivage entre les deux, qui a régné une tension entre les médias qui le dénigrent versus, entre guillemets, les médias alternatifs ou les lanceurs d'alerte qui, dans certains cas, vont l'encenser. C'est un jeu de Mais, polarité. oui, exactement, mais moi, j'ai l'impression que les gens qui l'ont vu comme un sauveur, si dans quelques semaines, perdent leur travail à cause qu'il y a des droits qui sont imposés de 25 % sur les importations du Canada, donc les gens des entreprises qui l'ont vu pendant dans des années comme étant le sauveur, ben c'est eux autres, c'est souvent les petites gens qui vont écoper parce que c'est eux autres qui vont être les premiers touchés puis à perdre leur travail. Ben non, ça va nous obliger à faire pareil, à aller creuser nos ressources. On est full ressources au Québec pour le Canada, puis on donne ça aux étrangers, nous autres, les Européens. Ça va nous obliger à être plus intelligents, puis à prendre nos propres ressources, puis à faire comme eux autres. Make Québec again great, peut-être? Why not? Non, moi, je trouve ça très bon ce qu'il fait. Excellent. Ben, en fait, Parce que il fait reculer tant le qu'on. Non, non, mais David, libre-échange. tant que Présentement, il les gens amène sont. un repli des peuples sur eux-mêmes. Dans le sens que, au Excellent. lieu. Comment? C'est excellent pour l'instant. Ben, moi, je suis pas de Le ton. multiculturalisme puis toute la bullshit de ça, il faut que ça arrête. Moi, je ferais un moratoire sur l'immigration, ce serait terminé Ah, ben, au moi moins aussi, 5 sur la ans. question de l'immigration, ça, c'est Ben, c'est clair, ça, se là. refermer sur soi-même un peu pour réfléchir un peu, puis raisonner, puis intégrer ce qui est rentré. Puis économiquement, on a une crise de job à faire au Canada. En passant, on dépend des États-Unis. Il dit, Trump, on paye pour vous autres 200 milliards par année. 200 millions, pardon. Ben, c'est fini. Mais c'est ça. Pourquoi qu'il paye pour nous autres, eux Ben, autres? il paye quoi? Il paye quand même Oh, je me pas. rappelle pas c'est quoi Ben, de en fait, il y a un mon. déficit économique, dans le fond, qui fait que les États-Unis importent plus qu'ils exportent au Canada. Puis lui, il veut modifier la balance économique. Oui, je pense que c'est ça. Parce qu'en fait, ils achètent des véhicules ici, les États-Unis, qu'ils n'ont pas besoin en réalité, puis sont capables de les construire. C'est dans ce sens-là qu'il nous dit qu'on y coûte 200 millions. Mais moi, ce que je dis, c'est que toutes ces politiques-là vont nous forcer justement à revenir vers nous, pas nous refermer sur nous, David. C'est reprendre nos ressources à nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être qu'il y a du monde qui ont suivi Val d'Or, la vallée de l'or, c'est Val d'Or, là, c'est en train de se réouvrir au fond de la caisse, là, les mines d'or. C'est pas les Québécois qui en profitent, Chris. On donne nos ressources à des entreprises étrangères. Ça va-tu finir un jour? Ben, si Trump sert à ça, merci Trump. Ben, peut-être qu'il On servira à est-tu réveiller piaufs des de ne gens. pas prendre nos propres ressources? On a du Mais. pétrole, on a du gaz, Ah on a de oui. tout pour être autonome comme pays. Chris, on n'est pas capable de nourrir notre peuple, nos gens, parce qu'on donne toutes nos ressources, puis on est trop épais pour. On est rendu des gens. On fait du service. On ne produit plus rien. Voyons, c'est pas de même qu'on devient autonome en ayant rien que des services à la vente, à acheter nos produits à l'étranger. J'en ai marre de manger des tangerines du Maroc, mon Chris. Mais tu mangeras pas C'est des oranges du blague, Québec parce qu'on là. peut pas en avoir. Ben justement, moi, je suis du Rudolf Steiner de ma nature. Rudolf Steiner, mange qui pousse dans ton terrain. Point barre. Mais en même temps, parce Et j'ai une que, bonne santé, puis ça fait 40 ans que je bon. fais ça. Je mange ce qui pousse dans mon terrain, c'est-à-dire sur notre terre au Canada. Des fruits, on en mange l'été, nous. L'hiver, il n'y en a pas. Fait que j'en mange pas. C'est tout. Oui, mais tu peux pas être carencé en matière de vitamine C en agissant ainsi. Est-ce que j'ai l'air carencée, moi, là? J'ai 63 ans, je fais mes paquets par jour, puis je vous bats tout. Venez vous entraîner avec moi. Allez voir. Ben là, tu parles de C'est très bon t'entraîner au coach. yoga ou au karaté ou aux arts N'importe martiaux. quoi. OK. Je peux pas courir, par exemple. Bon. Je peux pas jogger. Je suis pas capable à cause de mon dos. Mais ce que je veux dire, c'est... Moi, j'ai trouvé la recette pour mon corps. Trouver la recette pour vous autres, c'est pas de manger ici, de manger... Ça, c'est une autre affaire. Les dogmes alimentaires. Plus capable, aussi. Trouvez donc pour vous-même ce qui est bon pour vous. Faites des tests. Ouais. Quand tu rates puis tu pètes la journée, c'est parce que quelque chose ne marche pas là, tu sais. Faut regarder pour nous-mêmes ce qu'on digère. Chaque individu digère des choses différentes. Mais là, j'ai quitté la politique un peu, je m'excuse. Non, non, mais c'est correct. Et je veux dire, tout est reçu selon la forme du récipient. Chaque personne est unique. Puis moi, je suis pas dans les dogmes alimentaires. À un moment donné, je m'intéressais au végétarisme. Puis là, finalement, je me suis remis à manger de la viande. Puis tu sais, Un équilibre, dans le fond. je suis pas dans une doctrine ou quelque chose. À un moment donné, j'écoutais un médecin qui disait que par rapport à la quantité de protéines, il y en avait davantage dans la viande de manière concentrique dans les végétaux. Puis là, il a fallu que je mange une plus grande quantité de légumineuses. Puis là, manger des légumineuses, moi, dans le fond, ça m'amenait à, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui m'écoutent, là, mais avoir des selles plus liquides, là, tu sais, manger trop de légumes à un moment donné ou des fruits comme Trop des. d'eau, C'est ça, des exact. fibres, trop C'est de ça, fibres, trop d'eau. trop de fibres, c'est ça, ça fonctionnait pas, là, tu sais. À un moment donné, je peux pas passer ma journée à aller déféquer, là. Plusieurs fois par jour, là, tu sais. Je Me mange, sens donc je chie, criette. ça a des limites, là, tu sais. Moi, je te dirais pas, ça, j'ai déjà essayé de boire plus d'eau que, tu sais, ben, le moment, c'était la mode, c'était au moins 2 litres d'eau, 1 litre d'eau par jour. Écoute, je passe un jour d'apicé. Non, merci, pas pour moi. Il faut trouver notre solution, c'est ça que tu dis. Moi, c'est un Exact. équilibre Ben aussi. oui. C'est de la viande, oui. Il y a des temps en hiver, je mange plus de viande. En été, je mange beaucoup plus léger. Mais c'est moi qui est comme ça. C'est trouver nos propres affaires aussi à nous, individus. On n'aurait pas de parler que la conscience, ça devrait être de nous, ça part de nous. Mais commençons par se nourrir pour nous-mêmes, individuellement, trouver ce qui nous convient. Puis ce qui ne nous convient pas. Il y a des choses qu'on ne digère pas. On le sait quand on le rote pendant 4 heures. Là, parce que... Oui. Moi, en tout cas, la banane, je ne la pense pas. J'adore la banane. Mais je suis pas capable de gérer ça. Je vais avoir toute la journée des rapports de banane. T'sais. Bon, j'en mange de temps en temps, mais c'est pas souvent. Fait que chacun doit trouver ses affaires. Puis c'est la même chose pour la politique. Ça sert de raisonnement. Hein? Nous sommes capables de raisonner, en principe. Non, En principe. exactement. Mais avec l'arrivée de Trump, il y a plusieurs personnes qui disent qu'on entre dans une nouvelle ère, c'est-à-dire l'ère du wokisme mur à mur serait finie. Trump a ramené la notion de d'homme masculin et de femme. Donc, il y a deux genres pour Donald Trump. L'histoire Non, des. non, non, mélange pas les choses. Non, non, non, non, non, non. Il n'y a pas deux genres. Il y a Ben, deux deux sexes, sexes, pardon. homme-femme. Excuse-moi. Mais il y a plusieurs genres. Ben, c'est ça. Ça n'est un petit jeu avec les jeux de mots qu'ils nous font en TV, là, avec Trump. Excuse-moi, c'est vrai. Il a dit qu'il y avait deux sexes, male and Homme, mâle, female, femelle, point c'est ça barre. Homme-femme. exactement, mais il y a plus de non-binaire. C'est-à-dire qu'il va défaire l'idéologie woke, là, en lien avec le mouvement LGBTQ+, là, avec les différentes lettres, les extras. Donc lui, Ouais, puis... il est un peu le porte-parole d'un ras-le-bol de la population par rapport à Aux tout le États-Unis. aux États-Unis, Aux mais. États-Unis. Je veux dire, On j'écoute. comprend-tu qu'on doit faire ce qu'ils veulent chez eux? Ben oui. C'est ça. Il fait ce qu'il veut. Puis nous autres aussi. Ben, nous aussi, si on est Dans. d'accord avec lui, on fait la même chose. Ben, moi, j'ai vu, dans le fond, avant qu'on se parle aujourd'hui, j'écoutais le bulletin de nouvelles, puis il était Oui. question de Poilievre que lui, il allait pas dans le sens là, qu'il y a plusieurs. Dans le fond, identité sexuelle, là, dans le fond, pour lui, il y avait des hommes puis des femmes. Il n'y avait pas, Il entrait pas dans le discours que là, il peut avoir des noms binaires, puis Ben, c'est parce qu'il faudrait. Les gens, c'est une chose. Puis il y a vraiment des gens très perturbés sur la planète sexuellement, je sais. Je comprends très bien cela. Il y a des gens qui vraiment souffrent dans leur corps. J'écoute un homme qui est devenu femme, là, puis qui expliquait sa souffrance clairement. C'était clair depuis qu'il était tout petit qu'il n'a jamais été bien dans ce corps-là. Bon, toutes ces situations de transgenre, de binaire, non-binaire, en tout cas, il y en a plein. J'ai pas de problème avec ça. Il y a des gens qui souffrent beaucoup, mais pour moi, c'est de la souffrance. Mais c'est pas majoritaire, ce monde-là. Donc, de reconnaître les gens, c'est une chose, mais de là à penser que les sexes, on est plusieurs sexes, ça, c'est biologie 101, là, on recule de 200 ans, là, on se calme. Mâle, femelle, homme, femme, c'est deux sexes. Il n'y en a pas d'autres. Je suis désolée, quand même, tu te fais pousser un pénis artificiel ou te mettre un vagin artificiel. Ça change pas quand dedans, tu as des hormones de bonne femme ou de bonhomme, tu C'est ça, mais je veux dire, c'est qu'il y ne change pas le avait, sexe de la c'est ça, personne mais dans ce sens-là. il y avait une mouvance dans une optique constructiviste que les gens voulaient se définir en dehors des catégories binaires, d'où le fait des noms binaires. Et puis, en fait, ce qui arrive, c'est Ben oui, que mais avant, on disait bisexuel, non sexuel, appelez-les comme vous voulez, il y en a de tous les genres. Moi, ça ne me dérange pas les gens, c'est ça que je dis. Il y en a de tout. C'est juste les mots qui changent. Puis il y a toujours eu des gens mal dans leur peau, puis au point de vouloir se transformer en d'autres choses. Hein. Il y en a qui sont rendus en se transformant en minou, puis en chef, toutes sortes d'affaires. Il y en a qui s'identifient à des Je m'en animaux. tabarnaque. Faites ce que vous voulez avec votre pénis, votre vagin. Mais initialement, c'est homme et femme, puis mâle, femelle. Point barre. Je suis désolée. Mais ce que je conteste, moi, c'est à l'âge à laquelle ces gens-là vivent ces transformations-là, puis comment on éduque. Je pense qu'il y a des gens qui vivent des transformations sexuelles très jeunes, puis qui ont des grands regrets parce que ça se fait trop jeune. À 15 ans, au passage, je vais te rentrer dans une certaine intimité de ma personne. J'ai longtemps pensé que j'aurais dû avoir un pénis, moi aussi. Parce Pourquoi? qu'en tant que femme jeune, quand j'étais plus Oui. jeune, dans mes fantasmes, j'étais un homme. Mais j'ai jamais pensé que j'étais transgenre. OK. Ça n'existait pas, faut dire. J'aurais pas pensé pareil. Sauf que je trouvais ça étrange. Ça s'est transformé avec le temps. Mais ça, je l'ai compris avec le temps. Pourquoi je vivais ça? Tout simplement parce que j'avais énormément d'incarnations d'hommes. Même si vous ne croyez pas à la réincarnation, c'est votre droit, mais moi, je sais que ça existe. Alors, j'avais beaucoup de mémoire d'hommes, puis j'ai pas beaucoup de mémoire de femme. Donc, il y avait quelque chose dans mon cerveau qui était étrange, j'avoue. Il a fallu que j'en prenne conscience. Mais combien de gens peuvent prendre conscience de ça présentement? Pas grand monde. Je te parle de quelque chose de totalement occulte, hein, tu sais. Non, non, ben c'est sûr que les psychologues conventionnels n'aborderont pas ça, là. J'en ai jamais parlé OK, ben à mes psychologues, parce que ouais. c'est sûr qu'ils m'auraient envoyé voir, je sais pas, moi, une chirurgie, quelque chose. Non. Mais ça s'est réglé par le travail que j'ai pu avoir de l'information à un moment donné, Mais quand tu mais. dis régler, est-ce que justement tu vois ça comme étant un problème? Ben, ça m'a jamais empêché d'avoir une sexualité agréable pour OK. moi-même, d'avoir ce genre de fantasme, mais c'était questionnant OK. pour moi de dire, coudonc, en fait, j'ai un pénis. J'ai-tu un pénis? Dans ma tête, beaucoup. En tout cas, c'était bizarre. Mais vers 40 ans, ça s'est comme passé autrement dans mon. On parle de fantasme. Oui. Dans mon esprit, quand je faisais l'amour après ma quarantaine, là, j'étais une femme dans mes fantasmes. Mais qu'est-ce qui a changé, rendu à cette période-là de ta vie? Est-ce que tu as vécu des événements ou des J'ai chocs? rencontré l'homme de ma vie, qui Ah, s'appelle ben là! Tom. Ça a changé ma vie. Ben là, c'est là que j'allais en venir, parce que là, habituellement, quand les gens changent, c'est pas par hasard. Non, c'est avec un événement, j'ai rencontré Ty. J'avais 41 ans. Et j'avais jamais senti autant de désir pour un homme dans ma vie, puis ni même une aussi grande attirance envers quelqu'un que j'avais jamais vu de ma vie, là. Donc ça a changé, puis c'est là que la relation s'est mise à partir lentement, très, très lentement, je dois dire. Mais ça a changé ma sexualité complètement, puis ce qui se passait dans ma tête comme fantasme aussi. Je ne peux pas l'expliquer davantage, mais j'aurais été sûrement aussi, je suis née aujourd'hui, j'ai le même problème aujourd'hui avec l'éducation qu'on reçoit. Je serais fucké solide, je me serais fait poser un pénis, moi. Ben, en fait, aujourd'hui, il y a eu des bloqueurs d'hormones aussi, puis il y a des gens qui ils vont vivre des transitions, puis ils vont détransitionner par la suite. Puis toi, Ouais, mais c'est ça là que la détransition, des fois, est pas possible. ben, elle est difficile. Surtout avec des, en tout cas, des bloqueurs de, en tout cas, ça, hey, des bloqueurs d'hormones à Oui. 15-16 ans. Ils donnent ça hein, quand. Je vous raconte quelque chose qui n'a pas rapport avec les bloqueurs d'hormones, mais qui a rapport avec l'approche des wokistes. J'ai un ami qui a 62 ans, qui souffre de douleurs chroniques dues à des pancréatites, mais qui gère ça du mieux qu'il peut, sans prendre trop de médicaments. Mais bon, il va à l'hôpital à l'occasion pour des crisettes. Il s'en va voir son médecin récemment qui. Il est déprimé ces jours-ci. Ce temps-ci est un peu déprimé. Il parle avec la médecin et la médecin lui offre quoi? L'euthanasie, les amis. Ah. Les deux hommes ont pris de la tête, puis lui est tombé en dépression encore plus profonde. Il fait quoi, tabarnak? Ouais, la médecin, il a dit, étant donné votre souffrance, avec le bagage que vous avez de souffrance, vous savez, on peut vous faire arrêter de souffrir, on peut vous amener à la mort en douceur. 62 ans. C'est beau, on a pensé de même. Ça, c'est nos médecins au Québec, là. Oui, sans compter les médecins qui vont inviter des personnes âgées à multiples reprises à se faire euthanasier. Donc, Oui. moi, la façon que je vois Puis ça. on voit ça comme ça aujourd'hui aussi. Tu sais, on dit ça des fois, ah, mais s'il souffre trop, il peut bien avoir l'euthanasie est accessible, on Oui, le pense. Ah, ils nous ont lavé le cerveau avec c'est ça, là. légitimé socialement. Donc, C'est ça. c'est devenu acceptable dans le discours public. Et puis, Voilà. dans le fond, moi, la façon que je vois ça, c'est qu'à défaut de donner des soins décents aux malades, aux patients, puis si le patient ne peut pas se payer les soins, ben la solution par défaut, dans plusieurs cas, j'ai l'impression que malheureusement, c'est l'euthanasie. Mais c'est enrageant quand tu le regardes d'un petit peu de recul parce que, tu sais, on met 50. Le système de santé au Québec a coûté 52 milliards l'année passée. Il y a 52 semaines d'une année, Simonac. Fait 1 milliard par semaine, puis on n'arrive pas à avoir des soins pour 8,5 millions d'habitants. Puis on n'est pas tous sur le système de la santé, les 8,5 millions en même temps, là. Mais non. Tabarnak! Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va poser des questions aux bonnes personnes au lieu de regarder. Chose, faire un signal, mosse, là, ah, ça, c'est important dans la vie. Hein? Pendant ce temps-là, ils nous enculent pas de vaseline avec 53 milliards, puis on n'a pas ça encore. Là. Mais ça fait 30 ans que ça dure, ça. C'est pas juste le gros, là, le Mais gros, là. tantôt, Non. Mona, tu nous disais que c'était important de ne pas dénigrer le peuple Il faut qu'on se québécois. réveille. Non, mais il faut qu'on se réveille. Mais on ne se réveillera Il faut qu'on ouvre pas. les yeux, là, puis Ben, qu'on en arrête de fait, dire que tout le va drame, bien. c'est qu'au niveau collectif, en tout cas, pensez ce que les gens m'écoutent, qui pensent ce qu'ils veulent, mais moi, je suis de l'avis qu'il n'y en aura pas d'éveil collectif. Puis c'est un indice de se prendre en main et de composer avec le merdier. Mais ça va faire un éveil collectif parce que les individus vont se prendre en main, justement. C'est Non, et je suis je certaine que ça va regrette. se faire, ça, Ben, ici, au Québec. regarde, C'est déjà au commencé, niveau là, de la déjà, là. santé, je regrette, ça fait au-dessus de 30 ans depuis que Lucien Non. Bouchard a mis à la Oui. porte les infirmières dans les années 1990, que c'est le bordel, que les gens ont des problèmes pour avoir accès à un médecin de famille, une opération dans un délai raisonnable, puis que les urgences débordent. Le bordel est pogné depuis 30 ans, il n'y a pas de réveil. On entend parler une fois de temps en temps, ah, telle personne est morte à l'urgence, en attendant Ben d'entrer un non, mais notre, il va médecin. y en avoir un éveil parce que le système va tomber. C'est plus, ça sera plus, on ne pourra pas le maintenir. Check bien ça. Il ne donne pas 2 ans au système de santé. C'est un système de santé qu'on n'a pas les moyens de contenir. Il va falloir le virer. Il va falloir le virer. Il va falloir d'autres solutions. Ben, moi, j'ai Ça ne l'impression tiendra que ça plus. va revenir comme autrefois, avant qu'il y ait le système de santé publique. C'est-à-dire que Privé, c'est dans le ça, privé. exactement. Les gens qui sont riches, ils ont des soins. Les autres, ben, ils vont attendre un paquet de mois pour avoir une opération ou des ressources qui est à crever en attendant, ou avoir accès à l'euthanasie, ils ne sont pas capables d'attendre. Moi, je pense qu'on est capable de faire mieux que ça. Hein? Ben, Une j'espère, mais assurance ça. santé aux Ouais. États-Unis, présentement, j'ai regardé ça là, à un moment donné. La classe moyenne, là, je ne parle pas des riches, avec une bonne assurance qui couvre pas mal tout. Je parle de l'assurance santé, hospitalisation qui couvre toutes les chirurgies. Ça coûtait, il y a 3 ans, 90 $ par mois, US. C'est ça la fin du monde, ça, là? Encore faut-il que la compagnie d'assurance respecte. son engagement? Ah, là, c'est une autre Ben histoire, là, ça, c'est les là que je vais en contaminations venir aux parce que, États-Unis. ben c'est ça, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a eu, il y a quelques semaines, la mort, il y a un responsable d'une compagnie d'assurance privée qui a été tué par une personne. Et le tueur, au lieu d'être critiqué, il y a des gens qui l'ont acclamé, l'ont vu un peu comme Robin des Bois parce que il y a beaucoup d'abus des compagnies d'assurance qui ne respectent pas leurs engagements. Donc, une fois que la personne est malade et que la personne a besoin des soins, des fois, c'est un combat juridique pour bénéficier des opérations ou de qu'est-ce que la personne devrait avoir, tu sais. Ouais, mais ça, ça commence à... Ben là, tu veux-tu un avis là-dessus, moi, qu'il Pourquoi soit pas? tué? C'est une compagnie qui fourrait. Ben, moi, tuer quelqu'un, ça reste un meurtre, là. De dire bravo à ça, je trouve ça un peu gnagnant. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui Mais sont bon. frustrés, c'est que ça témoigne de malaise du Oui, système. Je ne suis pas c'est comme nécessairement je pourrais d'accord être sur le plan contente que moral, quelqu'un de la mais société. ça met en lumière le fait qu'il y a un problème avec Des le passages. système aux États-Unis, puis que dans le fond, même si la personne est assurée, puis elle peut s'assurer pendant plusieurs années, j'écoutais un enregistrement de Stéphane Bureau qui commentait la situation en expliquant que si, parlant d'une année courante, par exemple, une personne tombe malade puis est assurée pendant l'année, ça se peut que la compagnie d'assurance l'assure, mais qu'elle ne renouvelle pas l'autre année. Fait que la personne qui commence un traitement de chimiothérapie parce qu'elle est atteinte d'un cancer, qui est supposée se poursuivre l'année prochaine, bien, ça se peut que l'année prochaine, elle ne soit pas couverte puis elle soit laissée pour compte parce que la Ben oui, compagnie. mais oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, puis c'est réel qu'il y a des compagnies. Je pense que c'est une des plus grosses compagnies d'assurance hospitalière dont on parle, que le gars s'est fait tirer. Je pense qu'il refusait au moins 30% des demandes auxquelles les gens avaient droit, mais il refusait les demandes. Mais le problème, qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça si ce n'est qu'il faut avoir des représentants ou du moins des gens au gouvernement qui font le job? C'est pas toi qui peux régler le problème d'une compagnie d'assurance qui magouille ses clients. C'est le gouvernement qui doit réglementer ces compagnies-là puis les imposer certaines règles, les suivre puis les appliquer. Ça prend des lois. Je crois en la loi, moi. Dans les lois, mais il faut que les lois soient faites par du monde qui ont de l'allure. Ça, c'est déjà un problème. Sachant que On ne peut pas penser à une démocratie sans des lois. Moi, je pense à la démocratie dans la vie. Je pense qu'on commence à avoir une idée d'un début de démocratie qui peut s'installer sur la planète, là. Mondialement, il n'y en a jamais eu de démocratie. On va arrêter de se raconter des histoires, y a eu des impressions de démocratie, mais à mon c'est avis, ça. il n'y a jamais eu de démocratie et je suis plus pessimiste que toi, il n'y en aura jamais. Peut-être, mais moi, Parce je ferme jamais que. la porte au complet. Fait que le jamais a toujours été éliminé dans ma vie. Tout est Ben, en fait, possible. j'espère me tromper, mais je pense qu'on ne connaîtra pas ça de notre vivant, là, une démocratie Peut-être dans pas. son essence, parce que toutes les gens sont manipulés, les sondages sont biaisés, puis comme tu l'as déjà dit dans le passé, les élections ont été truquées, notamment aux États-Unis, là, par rapport à Biden qui avait gagné contre Trump, là, en 2020. Ouais, mais si, oui, tu as raison, si je l'ai le nez dans l'arbre, mais si je recule de 40 000 pieds, je répète ce que j'ai toujours dit depuis des années, quelques années, on finit l'apocalypse, c'est pas pour aller dans un autre apocalypse, c'est pour aller vers l'apothéose, c'est des jeux de polarité ici. Alors là, ça fait 22 000 ans de m'enfuir puis de conneries apocalyptiques, on finit le cycle, un énorme cycle, pas juste économique, on rentre dans d'autres choses. Et c'est les jeux de polarité. Fait que ce qui était une charge négative va venir en charge positive. Ça va durer peut-être moins longtemps Ben, dans on va voir l'histoire, si ça va être à charge mais je n'étais pas positive. là pour le voir, parce que je ne veux pas revenir ici qui mange de la marde. Mais bref, je blague. Je fais des blagues. Non, je ne veux vraiment pas revenir ici si possible, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Je blague, là. Je fais des blagues. Mais. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Moi, je vois ça comme je suis témoin du début de quelque chose d'autre qui commence, et pour moi, c'est le début de l'apothéose. Je n'ai pas dit qu'on allait se faire le nini de la journée dans 2 jours, c'est pas ça. Mais ça peut être l'apothéose dans nos vies, par exemple, individuelles. Moi, je n'ai pas de problème dans ma vie présentement, puis j'en ai pas tant que ça, des problèmes dans ma vie depuis longtemps. Parce qu'il faut apprendre à vivre, justement, puis marcher force s'occupe, puis s'occuper de son cul. Mais m'occuper de mon cul, c'est pas m'occuper du collectif. De m'occuper de mon cul. Puis j'ai très bien traversé une société, c'est pas si facile. L'autre fois, quelqu'un me disait: Oh, toi, t'es un petit jeune, hein, pas en initiation, mais tu sais, qui connecte avec plein de choses. qui me dit oh, vous avez eu ça facile, vous, la vie. Ah oui, ben Chris. Ah oui. Ben oui, facile. C'est même pas de qui il parle. Non, non, mais il porte un jugement à la porte-pièce. Il n'a pas été dans tes mocassins. C'est pas mais non, c'est pas mais la plupart des gens, des jeunes, des plus jeunes, 25-30 ans, qui ont de la misère présentement, qui vivent un éveil de conscience, ils pensent qu'on a eu la vie facile. On a eu la vie facile. Nous, les vieux initiés, qu'on appelait avant, j'ai pas eu la vie facile du tout, mais c'était une belle vie pareille. C'est ce qui l'a assez guidé. J'en ai peut-être jamais parlé, mais. Avant même de parler de tout ce que je parle, moi, j'ai toujours suivi ce que j'avais envie dans la vie. J'ai une tête de cochon. J'ai suivi de mon cœur toute ma vie ce que j'avais envie. Vie de vivre. Ben, sais-tu quoi? C'est pas mal plus fun que faire une job de marde que t'aimes pas. J'ai jamais hésité à quitter un emploi quand j'aimais pas ça. J'ai jamais eu de l'argent tant que ça dans le monde du monde. Oui, mais t'avais. Non, non, excusez-moi, j'étais comme tout le monde. Voilà, je paye mon loyer. Donc, c'est une disposition peut-être d'une programmation de vie, je ne sais pas, mais pourquoi je parle de ça? Non, Ben non, mais oui, c'est parce que tu dis qu'avec un jeune pourquoi ça qui vient te dit que le. tu as une vie facile, mais en réalité, Ah oui, c'est ça. c'est un jugement à Parce la qu'aujourd'hui, ils trouvent porte-pièce. ça Faut faire difficile. Ben. attention parce que les gens peuvent dire, ah, ben, Bernard de Montréal, il l'a eu facile, il était branché avec les plans, il a vécu une fusion instantanée, mais en réalité, je Oui, sais qu'il a vécu plein de souffrances, là, tu sais. oui, puis ça doit être pour ça que sa femme l'a engueulé publiquement pendant 2 heures de temps après avoir souffert comme une calisse de son initiation. Oui, ça doit être très jojo. Oui, Non, mais c'est Bernard, ça. Il y a eu il toutes a vécu sortes. beaucoup de souffrances. Oui, c'est ça. C'est souffrant la vie, mais en même temps, c'est souffrant, mais en même temps, il n'y a pas que ça. C'est ça que j'essaie de dire. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup l'accent sur ça aujourd'hui, la souffrance, comment ne pas souffrir, éviter la souffrance. C'est souffrant la vie sur la terre. Mais moins tu résistes à ça, puis moins c'est souffrant aussi. Moi, c'est d'accueillir la vie. Ben, oui, j'ai des combats, puis j'en ai mené, puis j'en mène. Mais l'événement, quand il arrive, ça ne me donne rien de me capoter avec, là. L'événement arrive. Oh non, à pourquoi ça m'arrive? Oh non, je ne veux pas vivre ça. Pourquoi que moi? Pourquoi pas l'autre? Ça me perd énormément d'énergie. Ça vient à moi, l'événement. Maintenant, comment je regarde l'événement? Ça, c'est ma job. Et de ne pas se laisser tomber, de pas de se relever à chaque fois, tout le temps. Ah, pourquoi on parle de ça, David? Ben Pourquoi non, je fais des petits mais ronds? on peut parler de. C'est ce qui te vient en tête. En fait. Ben, c'est ça que j'ai le goût de parler plus que de politique, peut-être, parce que la politique, pour moi, c'est mon intellect. Okay? Ça, c'est l'intellect fonctionnel. Mais ma vie est plus intéressante à un autre plan, le plan psychique, plus loin, un petit peu plus loin. Êtes-vous bien dans vos vies? T'sais, les gens sont-ils bien? T'es-tu bien dans ta vie, David, aujourd'hui? Nos vies, aujourd'hui, on a le droit d'être bien sur cette crise de planète-là. Je ne sais pas quand est-ce que le monde va l'intégrer, là. Ben, il faut arrêter de chialer. Oui, On a le droit. On en doit d'être On a le bien, droit d'être heureux. mais. On a le droit d'avoir le goût de vivre. La vie est belle, Chris. Pas rien que de marre de guerre nucléaire, de zin, de zombies à grippe, puis je tousse, puis je rote, puis je pète. Mais si je t'écœure. Bye bye. Mais La les vie est gens entend... belle, Chris. mais les gens que je vois sur Internet, que ce soit des médias officiels ou alternatifs, les gens ont tendance à se plaindre, Déprimant. puis voir le côté négatif des choses. Mais il y a une explication scientifique derrière ça, c'est-à-dire historiquement, nos ancêtres, qui étaient des chasseurs, s'ils entendaient le bruit en forêt, d'une menace potentielle, ils avaient tendance à réagir, à être sur leur garde, puis c'est ce qui leur permettait de survivre. Donc, avoir tendance à être plutôt anxieux, méfiant sur ses gardes, c'est un réflexe évolutif qui a été, utile pendant de nombreux, millénaires. Donc, le chiolage, dans son fondement, par rapport à la genèse de l'humanité, il y a une logique que les gens se plaignent ou qu'ils voient le négatif parce que ça leur permettait de survivre pour des raisons de survie, dans le sens que si tu entends un bruit puis c'est un ours ou c'est un lion qui peut t'attaquer, ben c'est intelligent que tu sois à l'affût de ce qui ne marche pas, ce qui est une menace potentielle. Sauf que dans un contexte moderne où les gens sont plus confrontés à des animaux de la savane ou de la jungle, ben ça devient, à créer un manque d'ajustement. Puis à surinterpréter les menaces. Oui. Oui, mais je sais pas. Moi, ce que j'ai. Tout ce que je comprends ce que tu dis, mais moi, je me mets, mettons, dans la situation où je suis dans le bois, ça m'est arrivé. Je me fie à ce que je perçois, mais j'ai jamais pensé. J'ai jamais été en danger, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Et le danger, tu parles, t'associes le chiolage au fait qu'on serait comme un système de danger, c'est De du système défense, nerveux. ou Je ce suis là, le qu'on. système nerveux. Ben, Oui. en Je fait, comprends. on peut avoir une tendance humaine à voir ce qui est négatif ou une menace potentielle. Puis historiquement, c'était justifié parce que ça permet à nos ancêtres de survivre, dans le sens que si la personne est dans la jungle en Afrique, puis elle entend le bruit d'un lion qui s'en vient, qui rugit, ben, si elle se sauve puis est à l'affût de ça, ben, ce qui peut faire la différence entre qu'elle soit vivante ou morte. Donc l'homme moderne est beaucoup moins dans la capacité de survie. C'est quoi? C'est ça que ça sous-tend? Bien, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte que du passé, sauf que nos Non. réflexes, dans certains cas, ont resté pareils. On est comme programmé pour vivre dans un contexte qu'on ne vit plus. Comme si on a, OK. C'est comme le piton est resté collé. On n'a Voilà, jamais tout. voilà. Ben, c'est le système nerveux, ce dont tu parles. Le système nerveux est toujours en alerte un peu, tu sais, Oui, entre comme autres, oui. d'un danger quelconque. Mais as-tu remarqué que nos sociétés modernes jouent continuellement sur nos peurs? Donc, ils sont toujours en train d'éveiller notre survie. Bien, ils ont intérêt à le faire parce que c'est de même que les gens sont manipulables, sont dociles, puis acceptent de se comporter comme ils ne se comporteraient pas autrement. On l'a C'est vu ça. pendant la période dite de pandémie, là, avec les confinements massifs, le port du masque, la distanciation sociale. Donc, les gens se sont fait menacer à travers une menace, la peur, et puis se sont soumis. Pas tous. C'est vrai, il existe encore quelques petits irréductibles québécois. Ah, Ça il y a fait des penser à irréductibles, pas mal plus Astérix. qu'on pense au Ah, et Québec. pas tant que ça. Ben, c'est au moins 20%. C'est déjà pas mal. T'es généreuse. Non, je pense pas. Je pense que les vraies statistiques, vous les saurez jamais. Oui. Ça, Ils nous là-dessus. mentent depuis le début, David. Ils ont menti sur la gestion du COVID. Ils ont menti sur les vaccins. Ils ont menti sur les statistiques. Ils ont joué avec les statistiques. Ils ont fait disparaître même comment ils appelaient ça, le test? Il y avait un groupe test de gens versus vaccinés. Ils ont fait disparaître le groupe Le test groupe s'ils ont tous témoin, vacciné. oui. Écoute, c'est un fuck-all total. Quand même qu'ils me diraient qu'il y a 250 000 morts, je les croirais pas. Deux morts, je ne crois pas plus. Il n'y a rien. Oubliez ça, tout ce qui vient d'eux autres, de la TV, de votre petite boîte carrée, là. Mais là, Mona, Trop tard, je ne les crois pas. moi, la seule chose que je J'ai crois menti. par rapport aux médias officiels, ça a été le cadeau que j'ai eu l'année passée, au mois de décembre. J'ai dit à Isabelle, ils ont fait mon bonheur, le Journal de Québec. Parce qu'on Qu'est-ce publiait qu'ils un ont dit? article par rapport. Il y a eu un rapport, dans le fond, qui a eu cours d'une enquête du Congrès américain. Un rapport de Oui. 520 pages en lien avec la gestion de la période dite de pandémie. Et là, on a appris des choses. Et c'est un rapport public, là. Puis c'est Oui, je politique, l'ai là. vu, ce rapport résumé, là. J'ai lu le Oui. résumé. C'est intéressant, hein? Mais ça, c'est juste sur les. Ils n'ont pas encore fait l'enquête sur les vaccins, là. On parle Non, juste ce qui des est marqué conditions dans. autour. Oui, c'est ça, parce que là, c'est encore un sujet litigieux, mais c'est marqué au point Ouais. 10, parce que je l'ai devant moi, puis j'avais fait un enregistrement audio là, par rapport à ça là, sur ma chaîne YouTube. J'en ai parlé aussi avec Berthold, mais le point litigieux est celui-ci, je l'ai devant moi. Le vaccin a entraîné chez certains des effets indésirables qui doivent faire l'objet d'une enquête approfondie. Fait que c'est le plus Ça loin va qu'on être la peut suite. aller. Puis là, moi, je ne peux pas t'amener à parler plus que ça pour ne pas être censuré de YouTube. Mais là, on est rendu Pas de là dans problème. le narratif. Mais ça s'est élargi parce que là, on peut dire que le virus a probablement été le résultat d'un accident de laboratoire à Wuhan dans le cadre de recherche le gain de fonction financé par l'État américain. Fait que ça, c'est public. Par le NIH, financé par le NIH, une agence de santé américaine. En fait, ce qui est Une dit. des trois lettres qui est bloquée que je t'ai dit, là. OK. Celle à Fauci, Oui, ben NIH. c'est là que j'allais Fauci. en venir. C'est marqué le point 2. Les gouvernements, pardon, américains et chinois, le docteur Fauci et des membres de la communauté scientifique ont tenté de cacher ces faits. Ce serait probablement une Ça. fuite de laboratoire. Et je vais attirer l'attention des gens par rapport au fait que lorsque la journée où Biden a donné le pouvoir à Donald Trump. Il y a eu un changement de présidence quelques minutes avant que Trump prenne le Trois minutes pouvoir. avant. Quelques minutes avant, le docteur Fauci a été gracié par Biden. Et toute sa famille aussi, Biden. Oui, exactement. Donc là, les gens, pendant que l'attention des Depuis médias. 2014, à ta peu, il te manque une date importante, 2014, jusqu'en 2014, sont graciés. Excusez, Donc, trop drôle. c'est important que les gens savent ça parce que pendant que l'attention des médias de masse était tournée vers Donald Trump qui prenait les pouvoirs à la Maison-Blanche, mais pendant ce temps-là, en catimini, discrètement, Joe Biden, ben, s'est organisé pour que le docteur Fauci, qui a travaillé, que les gens s'en rappellent, sur des travaux de gain de fonction en Chine, en laboratoire, puis ça, c'est d'intérêt public, je peux en parler aujourd'hui sur YouTube. Puis les gains de fonction, c'est quoi? C'est qu'ils modifient, entre autres, des coronavirus pour faire de l'ingénierie génétique dessus. Donc, c'est quand même très lourd de responsabilité parce que si on développe des super virus, ben à ce moment-là, ça devient une arme virologique qui peut être utilisée dans des guerres C'est une arme de futures. guerre, c'est une guerre Exactement. bactériologique. Ça, mais Virologique. 2014, c'est la. C'est pas, c'est pas, Je veux t'as dit juste revenir. Oui, bactériologique, vas-y. mais c'est virologique, là, mais je comprends ce que c'est dans le même sens. Virologique, oui, Oui, excusez. C'est vraiment il n'y a pas de virologique, mais problème. c'est aussi bactériologique. Il y a des bactéries, là, ils font aussi, comment on appelle ça, des gains de fonction sur les bactéries, puis toutes Oui. sortes de choses. Pas juste sur les virus. Parce que Mais ce 2014, ça nous rappelle aussi le début des problèmes avec la Russie et l'Ukraine. La Russie se plaignait de quoi sur ses frontières, qui pitchait toutes sortes de types de produits sur sur les Russes, l'autre bord de la frontière, dont des gains de fonction qu'on parle. Mais là, les gens qui vont nous écouter Bref. vont dire que ça doit être de la propagande que tu dis là, pro-russe, là. En quoi c'est de la propagande? Ben là, c'est Ah parce. oui, tu me ramènes au discours collectif. Oui. Oui, s'ils veulent, mais étrangement, je ne sais pas pourquoi Bidon aurait gracié jusqu'en 2014, n'est-ce Ben en fait, c'est suspect parce que, premièrement, il C'est graissait très suspect. quelqu'un qui n'a pas été encore accusé au niveau criminel par les autorités américaines. Ah, viens, Fauci. on va voir. Ben là, ça ne pourra pas avoir lieu parce qu'il a été gracié. Lui, il est mort de Ben, rire. raisonnons. Attends un peu, il était gracié. Attends un peu. OK, partons de ça. Il a gracié tout le monde, Oui. mais il y a quelque chose qu'on oublie là. Ça fait combien d'années que les Américains, depuis 2 ans, qui parlent de la sénilité de Biden? Dans les derniers mois avant les élections, on n'arrêtait pas de voir à la télévision, puis même dans les mainstream, qui disaient, mais qui dirige le pays? Monsieur Bidon, là, il a l'air bidon un peu, hein? Il souffre d'une maladie mentale? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver là, avec Trump au pouvoir? C'est d'abord sortir, qui est comme Monsieur Biden, il souffrait de maladie. Puis tout ce qu'il a signé, ben, quand tu es malade mental, t'es pas l'autorité. Moi, je pensais demain que ça va finir. Voilà ce que j'en pense. On verra. Mais je pense que c'est comme ça qu'ils vont l'amener. On verra. Mais Donc, entre-temps, Monsieur Biden, d'après moi, il va être décédé, s'il n'est pas déjà décédé. Parce que je ne sais pas qui on voit, je ne sais pas si le monde a l'œil, mais moi j'ai regardé beaucoup de M. Biden et M. Trump et de puis ils ont des doubles, hein? M. Biden, c'est pas toujours lui. ben, Il y a au moins. c'est-à-dire J'en que. ai vu au moins deux différents, moi, OK, mais. à part lui, là. Fait qu'il y aurait deux doubles. Ben, ça peut être possible qu'un peu comme pour Mais là, Saddam il Hussein, rapetisse, il grandit, il y a des il sosies grossit, à des fins il de a la tête protection. plate, d'autres fois, il l'a pas plate. Oui, mais C'est ça se peut qu'à bizarre. des fins de protection, dans le fond, il y a des sosies un peu comme Ils ont tout. dans le fond, Saddam Hussein en Irak pour éviter qu'il y ait une attaque, que ce soit aussi Poutine, là, tu sais, qu'il y ait des Ben, même sosies. Trump, je suis sûr que Trump, il y a un double aussi. Mais là, on ne le parlera pas au niveau Poutine. supramental, là. Il n'y a pas nécessairement un double là, dans le sens d'une doublure éthérique, là, comme dirait Bernard de Non, Montréal. non, je ne parle pas de double, éthérique. Je parle juste d'une doublure. Ou Ou un peut-être. clone, on dit clone souvent, là, mais. Ouais, peut-être pas un clone génétique, mais quelqu'un qui ressemble, qui peut être utilisé, Non. par exemple, à présenter pour des événements collectifs pour éviter que le vrai se fasse fusiller ou Mais je tuer. pense même qu'ils ont des masques, David, qui peuvent. On voyait ça il y a 30 ans, de 25-30 ans déjà, ils pouvaient faire des masques en cinéma extrêmement précis d'un visage. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables de reproduire la face à Bidon. puis mettre un masque à quelqu'un qui physiquement lui ressemble. Voyons, comment? Des fois, on voit des drôles de traces de maquillage aussi quand on étudie ça. Ça me dit, il y a quelque chose. D'après moi, M. Biden, il va se faire ramasser solide d'une autre façon, la famille au complet. Quoique, si on l'immunité diplomatique, ils vont être capables d'en revenir en arrière puis disant, ben non, finalement, vous êtes imputable des actes que vous avez faits, M. Fauci. Trahison du pays, je suis pas sûre, c'est non imputable. Quand tu trahis ton pays aux États-Unis, je ne pense pas qu'il y ait grande loi qui protège ça. Ouais, mais Même là, il va tout si avoir t'as. un narratif pour dire, non, il n'a pas trahi le pays. Il a fait des recherches scientifiques pour l'avancement de la science américaine, qui soit à fine pointe de la technologie au niveau du génie génétique. Verra, mais je pense que. Moi, ce que je vois dans le temps, d'ici 2 ans, le déni ne sera plus possible. Ça sera plus possible. C'est trop gros, là. Ça devient de plus en plus gros. C'est pour ça que je dis qu'il faut regarder ça sur 40 000 pieds plus haut. Moi, pour moi, c'est un show qui devient de plus en plus gros, là. Ben, en On fait. là, il y a 4 ans, on le disait il y a 4 ans que les petits ting-ting, les injections, c'était de la chenoute, là. Moi, je l'ai dit, ben, il y a 4 ans, ne touchez pas à ça, c'est dangereux, ça n'a aucun sens. Ben, bon, ça sort. T'sais? Tranquillement. La vérité sort. Pour moi, c'est clair que la vérité va sortir. Et on ne saura pas toutes. On est en guerre. Hein? Une guerre c'est une guerre. Les gens disent une guerre spirituelle. Je déteste ça, là. Mais c'est une guerre entre les deux oreilles qui se passe, c'est clair. Qu'est-ce qui va gagner ici, là? La pensée. Comment ça se passe? On est tous sujets à ça, autant eux autres que nous, là. C'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, en lien avec la gestion de la période dite de pandémie, selon le narratif officiel dans les médias de masse, il y a des éléments qui sortent, comme le fait que dans le rapport, je l'ai devant moi, là, dans les conclusions, qu'aucune preuve scientifique n'a permis de démontrer que les masques avaient été efficaces pour contrôler la propagation du virus. Puis ils disent Oh, la même chose. surprise. La distanciation sociale. Fait que là, ça sort, tandis que quand les gens critiquaient ça, ils disaient, ben là, vous vous référez pas à la science. Mais la science, là, c'est quoi la science? Moi, là, quand j'entends le mot, tous les scientifiques sont d'accord, déjà, je sais que c'est pas de la science. C'est impossible. Par défaut, la science, quand tu dis scientifique, c'est l'esprit de contradiction. C'est prouver que l'autre a tort. Ben, C'est impossible un non, consensus non, c'est scientifique. ça, le Fait qu'arrêtez. consensus. N'existe pas parce que, dans le fond, Ben, il essaie de nous faire croire que ça moi existe, là, je sais, ils ont fait ça mais pendant à peu ne nous près laissons pas piéger, 4 là. ans. Pendant à peu près 4 ans, C'est ça. ils ont dit, c'est un peu comme pour la lutte au changement climatique, il y a des gens qui vont dire, C'est ben ça, il les y a un scientifiques sont consensus. unanimes qu'il faut réduire Oui. la production de gaz à effet de serre, passant ça en s'appuyant sur les données du GIEC. C'est l'apocalypse dans quelques Et années, tu sais là. que le GIEC a été débunké puis que c'était des menteries qu'ils ont fait, hein? Bien Mais ça, ils n'en entendu. parlent pas à TV. Ben Le non. GIEC a été débunké. Ils ont été obligés de s'excuser, mais ils ont mis ça sur une petite page à la fin d'un livre, une petite affaire. On s'excuse, on a fait une étude qui n'était pas bonne. Petite gang de bullshiteux. Le GIEC, c'est pas une référence. En plus, c'est même pas des spécialistes qui sont là-dedans tant que ça, là. C'est des directeurs d'environnement, ministres d'environnement de différents pays. C'est pas un comité scientifique, est-ce-tu? Mais c'est présenté comme tel, et comme les gens Ben, je le sais. croient à ça, ben ça fait en sorte que les gens vont accepter d'être surveillés puis contrôlés là, par rapport à leur transport, puis qu'on leur impose d'acheter des autos électriques au Québec là, en disant que d'ici 2035, on ne pourra plus acheter d'auto neuve à essence. Ça passera pas, ça se rendra pas. Moi non plus, j'ai pas l'impression que ça va arriver. On me fait des menaces. Une personne proche de moi qui me dit, je vais m'acheter une auto électrique à cause de cette loi-là. Moi, j'ai dit, voyons, là, c'est pas encore passé. Puis elle apprenait ça au sérieux, puis ça allait coûter plus cher qu'une auto-essence. Moi, j'ai dit, j'adhère pas à ça. Puis là, Non. avec Trump qui est élu. C'est pas l'avenir, la voiture électrique. C'est pas l'avenir. C'est pas vrai. C'est pas réel, ça. Pourquoi je te dis ça, je sais pas, je le sais, là, mais il n'y a pas de Mais quand preuve de ce même, que je dis. c'est peut-être pas non plus la voiture à essence l'avenir. Non plus. D'autres choses qui vont apparaître. L'énergie libre, là, ça existe vraiment, puis ça va apparaître. C'est ça, je dis, on rentre dans une nouvelle ère, Mais dans là, une ça nouvelle. fait Nous, on au-dessus de respond avec 100 des ans pensées que. on Je dis a. pas que là, ça va débarquer demain matin, là, Mais mais c'est je là que j'allais donne en 10 venir. ans au pétrole maximum encore. Pas qu'il n'y aura plus la ressource. La ressource, là, on va passer au pétrole. C'est pas vrai qu'il en manque, sa planète, oubliez ça. C'est comme le sang dans vos veines. Là. Il n'en manque pas. C'est le sang de la planète, des sédiments. Mais bref, c'est 10 ans, d'après moi, maximum pour la transition qui s'en vient. Il faut que ça se fasse avec du pétrole tranquillement. Électricité, pétrole, là, mais ça va disparaître, ça, je suis sûre. Il va y avoir d'autres choses qui vont rentrer, qui vont remplacer tout ça. Mais ça va être quoi cette Même pas autre dix ans. chose? Ben là, écoute, je suis pas Dieu, je fais pas la lecture de l'analyse cachée, que ça m'intéresse pas. Fait que Ben là, c'est parce que tu je ouvres une sais porte juste sur que ça va quelque changer. chose. C'est comme de dire, ben, il n'y aura plus ça. Ouais, mais OK, c'est quoi qu'il faut Ben quand rendre? je vous non, mais c'est parce que ça me donne rien. OK. Quand j'ai dit il y a 4 ans qu'il n'y aurait pas de guerre de mondiale, il n'y a personne qui m'a entendu. Tout le monde s'en calissait, mais moi je m'en souviens. Je le sais, je l'ai dit. Quand je dis qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, on est encore en train de craindre la guerre mondiale. Ça sert à quoi? À rien. Parce que je fais rien que parler dans le vide. Fait que je m'en calisse maintenant. Ça m'intéresse plus qu'analyser ça. Bien, il y a beaucoup de gens qui ont parlé dans le vide pendant la période dite de pandémie, qui ont passé pour des complotistes. Et Donc, je suis. bien, en fait, c'est le seul point. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le document, c'est le Journal de Québec, l'ironie du sort, c'est eux autres qui ont traité les gens qui adhéraient pas au narratif officiel en période de crise de tous les noms, là. On l'a vu avec Mme Bombardier, ensuite Richard Martineau, toute cette gang-là qui ont insulté les gens à rebord. Bon, mais dans le même journal, on apprend au point 8 que le gouvernement a mésinformé ses citoyens, notamment en qualifiant la théorie de la fuite de laboratoire de théorie du complot. Tu sais, on se faisait traiter de complotistes si on pensait ça, cette Exact. possibilité-là. Puis là, aujourd'hui, tout d'un coup, ah, on n'est plus des fous, on n'est plus des Ben, édentés, nos des. gouvernements sont rendus complotistes, oui. Ben oui. Ben oui, mais c'est toujours. C'est ça, je dis, mais bon, on peut le parler entre nous, Oui. mais moi, je ne vois pas l'avenir en noir et blanc. Ce que je vois, c'est que y a des choses qui s'en viennent, mais le pétrole pour une dizaine d'années, ça, je dis, je vois ça sur 10 ans maximum. Après, je l'ai dit, c'est un peu. L'énergie libre va venir remplacer tout ça. Enfin, on va voir peut-être profiter des recherches de Tesla. Ben là, ouais, l'énergie libre, c'est parce que ça fait genre au-dessus de 100 ans que Nikola Tesla a fait ses travaux. Ça fait longtemps, là. Ouais. Mais elle existe, cette énergie libre. Ben oui, mais c'est parce que ça a été Ben, on est une gang étouffé. d'incompétents depuis 100 ans qu'on n'est pas capable de mettre en application ses travaux, puis on fait juste écouter des documentaires qui en font en promotion sur Internet. Ouais. Mais moi, je pense qu'on va en profiter bientôt. Du moins, on verra, là. Mais ça, je vous dis ça, parce que je l'ai entendu de Trump en passant. Il a parlé d'énergie libre. Ben, il a parlé de véhicules volants. Ah, ben oui, dans le fond, là, je discutais avec Mais il a quelqu'un. parlé d'énergie libre, il a OK. parlé que c'est dans sa famille les papiers de OK. Tesla, Ah. les recherches. Il a dit que c'est son grand-oncle qui avait eu responsable d'aller chercher dans la maison un grand-oncle, je ne sais plus trop, en tout cas dans sa famille, c'est dans les Trump. Ils ont les secrets de tout ça. Pour ça, je dis qu'ils ont toutes les mains sales. Ben, en Mais fait, d'après moi, c'est lui qui va leur sortir. Peut-être Elon on Musk verra. On peut s'en verra. servir. Je sais si. On verra si ça. Peut-être qu'ils ont glissé ça à Elon Musk, David, puis ils ont dit, dans quelques années, tu nous sors ça, Ben man. là, pour l'instant, Elon Musk, lui, a son entreprise Tesla. Et c'est drôle parce que ça porte le nom du créateur Nikola Tesla. Mais ironiquement, ça n'a aucun Comme par rapport hasard. avec Ben la là, pas de hasard. technologie. Ça n'a aucun rapport avec la technologie à énergie libre. C'est des autos électriques. Oui, mais peut-être qu'il va se transformer en voiture électrique, en voiture. Nini, nini. En Oh, passant, Elon Musk a vendu des actions de sa propre entreprise. Vous ne le savez peut-être pas, mais il a vendu beaucoup de ses actions de Tesla déjà, il y a 2 ans. c'est possible, mais en même temps, dans le fond, moi j'ai l'impression que, dans le fond, son entreprise, il y a beaucoup de comment dire, tu contrôles les gens en les faisant avoir comment dire, un approvisionnement en énergie électrique. Tu sais, t'es garde dépendant d'une ressource. Il suffit de couper le courant puis l'auto ne marche plus. Tu sais, l'auto, elle s'auto-génère pas autonome. Tandis que Non. l'énergie libre, dans son sens premier, c'est-à-dire que la personne, peu importe l'endroit où elle est, elle canalise l'énergie. Mais en passant, David, tu disais qu'il n'y a personne qui a retravaillé sur l'énergie libre. Il y a des Québécois. Moi, j'ai vu un Québécois, mais là, je ne me rappelle pas de son nom, je vous le dis, je l'ai vu comme lanceur d'alerte. Il y a un lanceur d'alerte qui l'avait invité, puis le gars, il était capable de générer de l'énergie libre totalement. Il avait découvert comme, il savait comment le faire. Le problème, c'est que tu peux pas en parler, tu te fais tirer à bout portant après à peine avoir respiré. Quel intérêt que tu as de sortir ça? Aucun, ça. Mais il y a eu au Québec, il y a plusieurs années, Daniel Pomerleau. En fait, lui, d'ailleurs, il y avait eu Richard Glenn à un moment donné qui avait fait une vidéo en lien avec lui, puis sur YouTube, il y a eu des vidéos. Sauf que il y a des gens qui ont dit qu'il a fait du trucage par rapport aux appareils qui fonctionneraient là, à partir de ça, qui ferait fonctionner à distance, là. Donc, c'est sûr que là, ça peut être sujet à discussion, mais le point, c'est que présentement, au moment où on se parle, on n'a pas accès à des véhicules automobiles à l'énergie libre où ce qu'on n'a plus besoin d'avoir un contrôle sur notre consommation d'essence ou d'électricité. Ben, pas pour l'instant, c'est sûr. Présentement, non, on n'est pas nié. Mais je suis certaine que le véhicule à l'essence au Québec ne disparaîtra pas. Moi non plus, surtout que Trump a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de financer la filiale électrique, là. T'sais, Mais nous il y autres, a on a beaucoup financé de ça. Nordvolt au Québec, Ion Ben électrique. oui, Norvo, parlons-en. Ben Qu'est-ce qui oui. arrive avec Norvo? Rien pantoute, hein? Ben non. On est en faillite, en principe. Qu'est-ce qu'on est en faillite? Mais on a mis combien? 50 millions là-dedans, au Québec? Ah, plus que Et on ça, peut ce que pas. j'ai compris, Plus. c'était au-dessus de 200. Attends, ou c'est Lyon électrique, il ne faut pas que je confonde. Dans l'un des deux, c'est au-dessus de Ouais, je 250 les mélange, millions. moi aussi. Et Mais en tout cas, bref, au beaucoup Québec, d'argent. c'est ça. Il y a eu, le gouvernement a misé beaucoup d'argent sur deux entreprises dans le domaine de l'électrification des véhicules. Puis naturellement, comme beaucoup de projets dans lesquels le gouvernement du Québec investit, ça marche pas. Pas. Puis là, la prédiction que je vous fais, que je suis pas mal sûr de ne pas me tromper, c'est que si dans la ville de Québec, ils font le tramway, parce que c'est ça qu'ils veulent, le maire marchand, puis la population en veut pas, il y a à peu près 36% au maximum, selon un sondage que les gens voulaient, bon, ils vont dépenser des milliards pour construire un tramway pour une population qui n'en voudra pas, puis probablement ce qui va arriver, c'est que le tramway, une fois construit, ça va être un gros éléphant blanc, c'est-à-dire qu'il va être vide, il n'y a pas personne qui va y aller, il va être très peu fréquenté. J'ai Ce l'impression. projet, est-tu passé? Il est Ben, en passé fait, ça? lui, il pousse pour le projet. Oui, mais le projet, il n'est pas encore passé. Ben, Il c'est-à-dire, passera pas. ben, en fait, il est pas. Le gouvernement fédéral du Canada le financera pas. Dans le fond, il mettra. Comme Poilievre, s'il est élu, c'est clair qu'il ne mettra pas une scène. Et Sauf même que. Trudeau s'était retiré aussi en passant. C'est ça, mais sauf que là, ce qui arrive, c'est qu'on a des dirigeants qui sont déconnectés, de la population. Les gens de la ville de Québec, de ce que j'ai compris, veulent davantage un troisième lien qu'un tramway. C'est Résultat, ça. on leur impose un tramway, puis on augmente le coût du permis de conduire, donc le coût de l'immatriculation par rapport au véhicule automobile. On dit, si tu conduis une auto, t'es un méchant pollueur, donc on va te faire payer plus cher pour financer le tramway que probablement il y aura peu ou pas de personnes qui vont le prendre. Ça me semble logique. Ben, s'ils construisent, c'est une grosse. Je suis sûr que c'est le résultat que tu donnes qui va ça va donner que les gens ne le prendront pas plus. Ça va être un gros Ben, les gens choulou. sont pas parties Mais prenantes. je vois pas ce projet-là passer non plus dans un. Ben, ils ont commencé à faire des expatriations à Québec. Il y a des citoyens qui. Parce qu'ils sont en train de construire, là. Ah oui, c'est comme. Donc c'est. Mais c'est ça que je C'est dis. Donc le ça. projet est passé. Il C'est ça. C'est parce que dans le est fond. accepté. Ben, il n'est pas accepté par la population, sauf que le marchand, dans sa stratégie, il veut confronter les différents paliers de gouvernement devant le fait acquis en disant, ben, on a commencé à construire, fait que vous pouvez pas nous lâcher là. Vous avez Oh, pas le le fait choix. accompli, OK. Oui. Oui, bien, ça ne se fera pas. Samedi, ça ne se fera pas. Ça va être de l'argent encore perdu, comme d'habitude. De toute façon, marchand, je ne sais pas comment. Tu sais, qu'est-ce que les gens de Québec font à part chioler contre ça? Ils ont-ils fait une action politique quelconque? Sont-ils allés à la mairie quelquefois? Se sont-ils mobilisés, les gens, pour aller dire à un marchand, on n'en veut pas de ton hostie de projet de merde? Non. Ah non, mais il y a des gens qui sont opposés à ça quand même. Oui, mais quand je dis des gens, il n'y a pas 25 personnes en mairie qui se font blaster, là. Je te parle là, de mobilisation. Les gens de Québec qui disent qu'ils sont à 60 % Y a contre, déjà ils des sont où, ces manifestes. gens-là? Il y a eu déjà Où des sont-ils? manifestations des gens contre le tramway puis pour le troisième lien. Il y a eu des Non, non, il y a des mouvements politiques, Il n'y a rien qui se passe, c'est mais c'est ça? ça, c'est Ils continuent. minoritaire. Ça existe. Mais c'est pas l'ensemble de la population qui est mobilisée. Ben, c'est ça. Je sais pas, mais moi, en tout cas, là, je regardais ça sur un collé à l'écorce, mais si je recule, je sais pas comment ça se fait, mais le projet se fera pas. Est-ce que le projet se fait? Non. Ils n'auront pas le temps, je pense qu'ils vont changer un changement de pouvoir avant. Marchand, là, c'est un malade. C'est quelqu'un qui va l'aborder, ça? Allô, t'es-tu toujours là, Oui, David? mais c'est parce que je t'écoute, parce que dans le fond, ce que. Marchand, là, pour moi, il n'y a pas de santé mentale normale. Ben, Voyons. en fait, tu es un militant écologiste Un radicalisé. écologiste, il le dit, un esti de fêlé de la Oui, forêt. mais lui, il Ben veut là, qu'ils sauver mettent le le monde. feu, Pour est-ce lui, qu'ils le mettent tramway, ça va être des une feux partout façon sur la planète, de lutter contre les gaz à effet de serre. Il appartient au narratif du GIEC. Il fait partie de tout ça, comme beaucoup ben, de ton temps est maires de terminé, mon ville. ami. Ben, C'est justement pour ça qu'il va. Non, c'est ça, je vois le lien, là. Il restera. Ça va, ça marchera pas. Je me dis, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marchera pas. Ben, il y a Ce gars-là, des. c'est terminé, ce temps-là, justement. On verra bien. Moi, c'est sûr que je trouve déconnecté de la population, mais il continue. Ben, quand les gens vont avoir. Quand les gens, là, ça va. Tu sais, cette année-là, il y a 60 % des hypothèques maisons qui se renouvellent au Québec. Okay, là. Quand le monde ne sera plus capable de payer les maisons et les nourritures, je te jure que le projet va passer dans le cul. Ça sent rien. 60 % des hypothèques renouvelées à 1,5 jusqu'à 4,5, là, 4,5 puis 5 % présentement, il y a du monde qui va faire faillite. Ah, ben là, ce que j'ai vu aux nouvelles, c'est que la lutte à l'inflation va bien, que les politiques dans le fonds monétaire par rapport à la Banque du Canada, puis ils vont baisser le taux d'intérêt probablement dans les prochains mois. Ça va continuer les baisses de taux pour stimuler l'économie. Ben oui, hein, il va passer de 5 à 4,5. Wow! Mais les gens qui ont signé à 1,5, c'est 2 000 pièces de plus par mois payé, pareil qu'ils vont payer. Mais je sais pas, parce que ça fait plusieurs. Un point sur 300 000, c'est 1 000 pièces de plus par Non, mois. non, mais je suis d'accord avec toi Ben que vu comme ça a l'air problématique. il y a un autre problème. T'en mettre Oui. un autre problème à ça. C'est qu'en plus des hypothèques qui se renouvellent, les coûts, un autre aspect qu'on ne voit pas, c'est que la classe moyenne au Québec, au Canada d'ailleurs, gagne 20 000 $ US de moins par année. Nos maisons coûtent 40 à 15 à 40 % plus cher ici que là-bas. Allô, le mur s'en vient-tu, là? Tu commences à avoir un mur arrivé? Ben, Puis là, notre l'immobilier a pièce ne vaut beaucoup plus rien. Ça augmenté. va bien? On est rendu à 70 cents de la pièce, puis nos matériaux viennent d'où? Le bois. J'aime bien ça. Ben, et le bois d'œuvre vient du Canada, on l'exporte même aux Non, pas États-Unis. le bois d'œuvre, mais il y a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis, là. Aussi. Dans les échanges commerciaux entre le C'est Canada et ça. Mais là, si on les réplique aux États-Unis, États-Unis, avec une puis. pièce à 70 cents, là, plus tout ce que je te dis qui s'accumule. Mais L'argent, puis son projet, ils vont l'avoir dans le cul. Il n'y aura plus d'argent. Ils pourront pas. Les gens vont se révolter. Ils vont dire, Chris, commence par on a besoin de manger puis de payer nos affaires avant de ça. Il faut voir. La classe moyenne étranglée, là, ah la oui, classe moyenne supérieure commence à sentir ça aussi. Les gens commencent à ben sur sentir le ça. ring Trudeau, j'écoutais, puis les gens qui s'intéressent, vous pouvez aller sur YouTube, écouter une capsule de Joe Finance, à ne pas confondre avec vos finances. Et Joe Finance, dans le fond, c'est intéressant parce que c'est une chaîne YouTube qui commente l'actualité canadienne et québécoise au niveau économique. Et puis, dans le fond, ce qu'il expliquait, c'est qu'il en a fait une capsule récemment sur le règne de Justin Trudeau. Puis, il a dit que le pouvoir de la classe moyenne, depuis son entrée en poste, s'est dégradé. L'inflation a Clairement. beaucoup augmenté. Le crime au Canada a augmenté aussi. Donc, une La dégradation du drogue niveau de aussi, la vie drogue du dure, Canada. Ben fentanyl. oui, ben oui. Puis, Oui, ah on a oui, toujours c'est un bon notre premier ami ministre. Arruda qui veut tout légaliser les drogues. Puis, il y a un Ben, lobby pour ça présentement. ils Donc. le font, là, à Vancouver. Qu'est-ce que tu penses qui se passe à Vancouver? C'est une catastrophe. Le fentanyl rentre à plomb à plein la caisse, là, puis ça, c'est ça, parler des gangs d'un peu partout de la frontière mexicaine et ailleurs qui débarquent avec le fentanyl Ben à plus oui, de ben les kilo. narcotrafiquants viennent ici, sont les bienvenus. Justin Trudeau a dit qu'on est une terre d'asile. Bienvenue dans notre beau pays. Ben c'est C'est ça. ça. Mais Mais tout ça, c'est ça, je dis, tu combines tout ça, là, écoute, c'est quelque chose. c'est un cocktail explosif, mais comme tu l'as dit tantôt, on se dirige vers l'apothéose et non pas l'apocalypse. Oui, mais pour dire, il faut voir la fin de la forme. Puis là, on a encore une couple d'années à se taper de. Mais Le temps que Mona, ça se finisse tout cela. ouais, mais je vais quand même te ramener par rapport au fait que il y a dans le fond, ben, il y a plusieurs mois, j'avais écouté des vidéos de Daniel Pilon sur YouTube. Puis lui, il disait que le taux d'intérêt de la Banque du Canada allait être gelé ou il allait même augmenter. Et depuis le mois de juillet de l'année passée, c'est-à-dire 2024, le taux baisse. Donc, s'il aurait voulu vraiment amener les gens en faillite, il serait organisé pour que soit que le taux d'intérêt soit stable ou qu'il augmente, ce qui n'est pas le cas parce qu'il a baissé dans les derniers mois. Oui, mais t'as combien? Ben, oui, je l'ai vu baisser aussi. Moi aussi, j'ai pensé qu'il monterait. Mais j'ai bien dit penser et non savoir en faisant ça. Oh, nuance Ouais. importante ici. Ça porte une petite pensée différente. Ben oui, ben oui. Mais ceci dit, j'avais pensé ça aussi. C'est pour ça même que je pensais. Mais ils n'ont pas besoin d'aller à 7 %. Ils restent à 3,5, 4 %. Là, c'est 4,5, 5 % sur 5 ans. Ça va peut-être descendre d'un demi-point encore. On verra. Mais comme je te le dis, il reste que les hypothèques présentement qui se renouvellent, c'est 60 % au Québec en 2025. Le taux ne baissera pas à 1,5 cette année, là. Il va être à 4. Il y a Non, mais quelqu'un qui a closé. je serais. Ben là, présentement, trouve-moi une hypothèque en bas de 4 % sur 5 ans. Bon, tu trouveras pas. Non, je comprends dans ce sens-là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement une volonté derrière ça d'amener les gens à la faillite. Ah non, quand tu dis, par exemple, l'inflation qui est à 4 %, tu trouves ça réel, toi, Chris? Ben, présentement, il n'est pas à 4 %. Ils ont dit qu'ils l'ont ramené en bas de 2 %, d'où les baisses Voyons. progressives de Ben taux. voyons, toi, c'est comment ils calculent ça? C'est encore une crosse de merde. Ah là, tu vas me faire choquer, Esti. Tu crois ça, toi, Chris? Je crois pas, mais je te dis que C'est selon les impossible. données T'as qu'à aller à officielles, l'épicerie pour savoir que c'est pas vrai, non, Chris. non, mais selon les données officielles, Ben, non, mais je m'en sac des données ben officielles. là, Ils nous c'est mentent. parce que c'est ça qui sur ça qui s'appuie pour justifier la Banque du Canada que Ben oui, ça, le taux il d'intérêt justifie, là, baisse. mais c'est pas réel, puis il nous ment, Ah, ben, là. je sais, mais c'est un peu comme une création, comme l'argent dette, là, je veux dire, c'est. Ça fait partie d'un narratif qu'on vend à la population, une croyance. Donc, si on nous dit Oui, que. mais il faut quand même comprendre qu'il nous ment, puis que ce n'est pas réellement 2 % puis 3 %. Ce n'est Ah, pas ben, vrai. c'est de On est plus, l'interprétage bien de plus autour chiffres. de 9-10 % juste à C'est l'épicerie. parce Je que regarde les prix. Là. Ouais. Oh, il y a des choses que ce n'est pas du 3-4 %, c'est fois 2 le prix. C'est 50 % plus cher que l'année passée. Plein d'articles. Mon chum, il revient de l'épicerie, puis ça fait 2 ans, moi, j'accumule. Il y a 3 ans, j'ai fait un gros stock d'accumulation, mais je savais que tout montrait. Puis là, on vide notre affaire. Mais là, mon chum, il commence à chialer. Ah oui, mais on payait ça 8 piastres, c'est rendu 14. C'est 2 % ça? Voyons. Les gens font encore leurs épiceries. OK, ce qu'ils veulent dire à la TV, si les gens veulent croire ça, croyez-le, là, mais il y a bien du monde. Puis là, c'est ça, je te dis. Ça commence à se réveiller. Je l'entends dans mon studio. Les gens en parlent. Ça n'a pas de sens qu'ils nous disent. Les gens savent qu'ils mentent maintenant. Ils font l'épicerie. Ben, en tout cas, le monde qui sont dans mon Oui, studio, c'est une OK. trentaine de personnes, là. Puis je sors de la maison aussi. Je fais comme je suis complotiste, hein. Ben, je fais des petites choses avec la Fondation des droits et libertés que je travaille avec eux autres. Je travaille avec le réseau, des fois avec. J'aime bien la Ibusero, une lettre financière d'André Pitt, Lux Media. Mais quand tu regardes ça, puis tu écoutes ce qu'ils disent versus ce qu'ils disent à la télé, la réalité, c'est que la plupart du temps, ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux, même s'il y a une marge d'erreur, c'est pas mal plus près de la réalité que ce que j'entends à TV. Mais en fait, Ça, le on peut pas point, le c'est nier, là, qu'au mais pourquoi niveau. j'ai glissé là-dessus, je Oui, sais non, pas. mais c'est correct. En J'ai fait. l'esprit dispersé Non, non, aujourd'hui. mais c'est correct. Mais moi, ce que je dis, c'est que par rapport. Ben, si on prend la Fondation de la défense des droits et libertés, donc, c'est bien qu'il y ait des organisations qui existent pour défendre les droits des gens. Sauf que le problème qu'il y a eu, c'est que pendant la pandémie, c'est pas ça qui a empêché les obligations du port du masque, distanciation sociale et autres. Ça n'a pas été un succès pour Ça restaurer n'en est toujours pas les un. On a droits. gagné aucun. En fait, ce que les gens ne saisissent pas, parce que personne n'écoute vraiment la Fondation, si ce n'est quelques mille personnes. La Fondation, quand ils ont fait les poursuites qu'ils ont faites, Oui. le but, c'était de gagner nos poursuites, c'est sûr. Mais le premier objectif, c'était pas le premier objectif, c'était de laisser des traces dans le système de justice parce qu'on savait qu'il n'y en avait pas. Mais si tu ne fais aucune démarche, parce qu'en fait, on n'a perdu aucune cause, nous n'avons jamais été entendus sur aucune cause. C'est pas pareil, ça. Mais vous n'en avez gagné aucune. On ne peut pas gagner une cause si tu n'es pas entendu. Voilà, mais c'est ça le On n'a jamais problème, pu être c'est que ça n'a entendu. pas Les été causes. Laisse-moi efficace. terminer mon Oui. idée, David. Là. Juste terminer, parce qu'après OK. ça, je pars un peu. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit très clair. On peut pas. Je dis, on perd nos causes. Mais en réalité, perdre une cause, il faut qu'il y ait un jugement. Voilà. Nous n'avons jamais pu atteindre c'est ça qu'on demandait. On veut être entendu. On veut aller en cour pour être entendu. Non, premier niveau, deuxième niveau, supérieur, inférieur, lien supérieur, cause supérieure. Personne n'a voulu nous entendre. Ça va être, check bien dans quelques années, 2, 3 ans, c'est ça qui va servir à créer, à montrer qu'il y a de l'injustice, puis que de nettoyer notre système de justice au Québec. Quand je dis que le modèle à suivre, ça va être celui des États-Unis, ça je veux dire. On a un problème ici à s'occuper. Trump n'est pas un sauveur, on est d'accord. Puis nous, ici, il va falloir s'occuper du système de justice. Parce qu'on a un problème. Il n'y en a pas de justice, les amis. Arrêtez de rêver. Et on l'a démontré. Moi, je suis très contente d'avoir participé à ça. Parce que ça laisse des traces. C'est des dossiers qui ne peuvent pas disparaître. Mais encore Une faut-il, action qui a été c'est ça. posée sans voir le résultat escompté. Tout à fait d'accord avec Bon, vous. mais c'est Mais là que moi, je j'allais le en venir. savais qu'il n'y avait pas de justice. Je n'ai jamais rêvé Mais à c'est ça. parce que J'ai même eu des ouais, méchantes discussions avec Stéphane Blais là-dessus. c'est ça. C'est parce qu'au début, par rapport à la fondation, dans le début de période dite de pandémie, quand ils ont sorti sur les réseaux sociaux, dans les médias alternatifs, je me suis intéressé à ça. J'ai même envoyé de l'argent pour les financer. J'avais de l'espoir. Sauf qu'à mesure que les mois passaient, puis je voyais que finalement, ben, ils n'ont pas pu bloquer, ils n'ont pas pu mettre fin à l'interdiction du port du masque. Oui, mais ils sont pas revenus avec, ils n'ont pas été capables à cause de l'injonction. Ben, c'est ça. C'est que. Ça, c'est comme une épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête. Parce que s'ils repartaient le masque et tout, là, l'injonction aurait été acceptée. Je sais pas, c'est parce qu'il n'y a rien. Ben moi, je te le dis, là, Ben je connais bien la moi, Fondation et ce qu'ils font, en là, tout cas, très moi, ce que impliqués. je peux Je te le dire, dis. c'est que pendant cette période-là, moi, dans le fond, si eux autres, ils se présentent comme étant les défenseurs des droits et libertés pour les restituer puis mettre fin à certaines mesures claires, là, comme le port du masque obligatoire au Québec, puis ça s'est pas fait, moi, je vois ça comme, dans le fond, une incapacité d'atteindre l'objectif visé. Ben, l'objectif, c'était de tester le système de justice. C'était ça Ben moi, l'exercice. ce que Sauf je que c'est Stéphane, pas. il ne l'a pas dit clairement Ben de moi, ce même. que je Moi, comprenais de ça, c'est c'était de ça. dire, ben, on va redonner les libertés aux gens, c'est-à-dire que la personne ne sera plus obligée de porter le masque si elle ne veut pas porter le masque, entre autres. Donc moi, je voyais ça comme une restauration, une volonté de restaurer dans les plus brefs délais les libertés des Québécois qui étaient opprimés là, par le système. Ben, ça va venir. C'est ça, je vous dis, parce qu'on a laissé des traces dans le système, quand ça commence à sortir que les vaccins étaient dangereux, qu'ils nous ont menti, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Le gouvernement nous a menti ça sort, là, c'est dans les nouvelles, là. Le gouvernement nous a caché de l'information. Ben, on n'est pas loin de dire que la justice a travaillé avec le gouvernement de cacher des. Bien, Hein? aux Pas loin de ça. États-Unis, ils ont fait un exercice qu'on n'a pas fait au Canada, le rapport là, de 520 pages là, du comité du Congrès américain. Ça, il faut leur donner. Au niveau politique, ils ont fait quelque chose. Nous autres, on n'a pas fait de mea culpa ou rien suite à l'événement. Puis, je pense pas que c'est les médias officiels qui vont mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il y Non, en ait mais un. Ils ont le été mea culpa, complices pendant tout le temps. David, d'après moi, le mea culpa que tu parles du général va venir d'ici quelques années, 1 an ou 2, maximum 2 ans. Tout va être dévoilé par rapport à sa pandémie-là. C'est ça. Moi, Ça, c'est sûr que c'est dévoilé. la seule chose Donc, que je. Oui. l'excuse publique va venir. Ça, c'est inévitable. Ah, ben moi, j'ai l'impression que si ça vient, Mais ça va être un peu comme est-ce que pour le ça cas change? des Autochtones puis des pensionnats puis des agressions sexuelles. Ça va prendre un paquet de décennies. Puis là, à un moment donné, le gouvernement va dire, ben, OK, il y a des excuses, comme les Amérindiens. Plusieurs décennies après, on dit, ah, ben, il y a eu un génocide que, dans le fond, culturel qui a eu cours au Canada. Puis là, on s'excuse. Probable. Mais moi, je fais le bien de te dire pour ce que ça donne. Je m'en tape l'arrière-train des Ben, les excuses. gens qui ont été affectés, soit qui Mais sont rendus une chose âgés ou que. soit qui sont morts. Hein, pardon? Si on prend les Autochtones, les gens qui ont été Oui. victimes des abus dans les pensionnats, soit Sont morts. qu'aujourd'hui ils sont très âgés ou sont morts. Oui, ça, c'est le passé. Il ne sera plus de même. C'est Ben, ça, c'est mais parce que ça c'est. prend du temps. C'est comme l'Église, Ça elle s'est prendra pas 100 ans, excusée cette auprès de chose-là. Ça prendra pas Galilée plusieurs 150 cent. ans non plus, Ouais. David. En tout cas, je m'arrête là parce que ça m'épuise de parler de ça. Je n'ai pas de preuve de ce que je dis, mais ce que je sais, c'est que ça ne sera plus comme avant. Alors, ce n'est pas le passé qui va expliquer notre futur ni notre présent. Mais ça C'est a un ce que je veux dire. impact parce que là, tu disais, si on garde des traces, c'est pour le futur. Donc, le Ben non, passé. mais quand je dis que le futur, c'est-à-dire qu'ils vont nous donner, il va devoir y avoir un remaniement de la justice parce qu'il va y avoir une preuve qu'il y a eu de l'injustice. C'est tout. Je te dis que c'est un remaniement de la justice qui va se faire. Ça va être, on doit repasser à travers nos institutions complètement. On a beaucoup de travail à faire. Mais on va, là, pour l'instant, on regarde ça, on en est figé parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais ça va se faire. C'est ça que je dis. Mais je ne peux pas te prouver ça. Je te dis que ça va se faire sur les années à venir. Là, d'attendre des excuses de tout le monde, non, je ne m'attends pas à ça. Je pense qu'il y aura des gens condamnés, par exemple, parce que je pense pas que le Nuremberg 2 sera. Je pense, c'est du bien, je pense, là. Le Nuremberg va avoir lieu, et un vrai Nuremberg, et non pas comme le premier, là. Parce qu'on s'est fait fourrer sur le premier Nuremberg aussi. Que servit à juger des responsables nazis? Ben, les jugements des nazis du Nuremberg 1, le premier Nuremberg, le seul, de toute façon, Ben, je veux dire, ils n'ont pas accusé grand monde. T'sais, la plupart des principaux malfaiteurs, malfaiseurs, je ne sais pas comment les appeler, trous de cul, idiots, baveux, arrogants et scientifiques, là, ils sont tous passés aux États-Unis. Ben oui, Fait ben que la si on plupart pense. qui ont été accusés, c'est une petite gang. C'est comme on pogne un dixième de la vraie gang, là, on tasse, on sauve ceux qu'il faut sauver. On Ben, garde c'est comme toutes les Van recherches, toute la Braun science. avec, dans le fond, les fusées V2 qui a été récupérées par la NASA. Donc, c'est un scientifique allemand. Vu qu'il avait des connaissances pour par la suite faire des fusées pour la NASA, ben, lui, il a intégré Ils l'ont des Américains. récupéré. Exactement. C'est ça, ils ont récupéré les cerveaux. Ben, c'est ça. Mais pendant ce temps-là, tu avais Göring, puis tu en avais d'autres, là, que. Eux autres, ils ont été accusés, mais je veux dire, il n'y a pas de savoir scientifique, là. C'était des exécutants machiavéliques, soit-il. C'est Mais ça. parlant de ça, attends, qu'est-ce que ça m'est passé à l'esprit vite, vite, puis ça vient de repartir. On parlait de ça, puis qu'est-ce que c'est? Justement, Trump il a fait une déclaration publique en disant « J'aime les Russes, puis c'est grâce à eux qu'on a gagné la Deuxième Guerre mondiale. » Ah! C'est vrai, en passant. Je trouve que la vérité sort, moi, parce que Ben, on les va voir Américains qu'est-ce sont toujours qui. alloués Ouais. la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde pense que c'est les Américains qui l'ont gagnée, mais je suis désolée d'apprendre aux gens, ceux qui ne savent pas, que c'est les Russes. Hein. C'est des millions de morts. Les Russes se sont battus. C'est pas les Américains qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Russes. Ben, les Américains étaient là, mais en effet, il y a Oui. beaucoup de Russes qui sont morts, puis pour ce qui Des est de la prise millions. de contrôle. Des Ah, bah oui. millions, David. Des millions. On parle de millions de Juifs cramés dans des fours, là, mais on ne parle jamais des 2 millions de soldats russes qui sont morts pour la Deuxième Guerre mondiale, pour la liberté. On n'en parlait pas de ça. Hein? Vive les démocrates, hein, de ce monde. Je ne parle pas rien que du Canada et des États-Unis. Des estimateurs. Menteurs. Oui. Tu vas me dire qu'on se fait mentir de même depuis des milliers d'années, c'est vrai. Mais c'est ça que je dis qui est fini. Ça passe plus, la vibration de la planète monte. Puis il y a des mentries qui ne passeront plus. Il y a des cerveaux. Tu sais, si on est manipulé là, comme ça par la pensée bien d'ailleurs, ben, il va y avoir d'autres choses qui vont passer dans le cerveau du monde que des conneries. Du moins, j'espère, mais Moi aussi, on se croise ah, les doigts. c'est ça, on se croise les doigts, mais ça va être de voir qu'est-ce qui va arriver sur la gouvernance de Trump, parce que lui disait qu'il va mettre fin rapidement entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, entre autres. Ben, rapidement, moi je pense qu'il va le faire, là, mais tu te rappelles pas, il y a quelques années, je t'avais dit Trump, Xi et Poutine sont alliés là-dedans. Ah, ben, il est Alors, sans doute plus proche de Poutine que pouvait l'être Biden. ben moi je pense qu'ils se connaissent très très bien, puis qu'ils savent très bien ce qu'ils font, puis ils ont chacun leur rôle à jouer. Alors, je pense que l'Ukraine et la Russie ont des bonnes chances que ça se règle assez rapidement. Ben, en fait, ça serait très simple pour ça se règle. Il suffit que les Américains arrêtent de financer artificiellement les pays aussi européens, l'Ukraine? Parce que dans le fond, ils fonctionnent au respirateur économique, puis les Américains, ils leur fournissent des armes. Il suffit que les Ben c'est Américains arrêtent terminé, d'armer ça, c'est sûr que l'Ukraine. Trump ne continuera pas Bon, ça. ben, ils vont être obligés de s'entendre parce que là, ils pourront plus, dans le fond, s'opposer aux Russes. Ils ont plus d'armes qui viennent des États-Unis. Eux autres, c'est clair qu'ils vont être en voie de perdition, là, encore plus. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis totalement, je n'ai rien à ajouter, c'est vraiment ça. Mais est-ce que. Attends, j'avais d'autres choses qui me parlent. Ça va vite, vite dans mon cerveau, je suis désolée. Je n'arrête pas de dessiner. Regardez ce que je fais sur mes petits papiers, ça passe vite dans mon cerveau. Mais j'ai perdu le fil. Pas grave. On continue. Désolée, les gens. Non, non, mais... Ben, c'est ça. Moi, je dis qu'il y a une alliance entre Poutine, je reviens avec ça, voir si l'idée va me revenir. Je dis qu'il y a une alliance secrète depuis longtemps, depuis plusieurs années, entre Poutine, Xi et Trump pour faire le ménage dans chacun de le pays. Et ensuite, une alliance. Moi, d'après moi, ce qui s'en vient, on parle du BRICS beaucoup, du multipolaire. Pour moi, ça va être tripolaire. Ça va être la Russie, la Chine et les États-Unis, la prochaine économie mondiale. C'est déjà mieux que le SWIFT, là, qui est unipolaire. Ça va être tripolaire, d'après moi. Ben, en fait, c'est trois superpuissances, mais moi, je suis de l'avis que derrière chacune d'entre elles, il y a l'Angleterre qui les Ils sont influence. morts, eux autres. Ça, c'est terminé, Ah, oh, l'Angleterre. Pas... non, non, je veux dire, Ah la oui. City en Angleterre est toujours opérationnelle avec le système de banquiers internationaux qui font de Ben, c'est l'ingérence la dernière partout, chose. des C'est ça, j'étais investissements. circuit. C'est terminé. Les banques centrales, ça, on peut en parler d'un autre live, là, parce qu'il est déjà 20 heures, mais les banques centrales mondiales privées vont s'effondrer. C'est terminé. Ben, il y a des Tant gens qu'elle qui... est enregistrée, là, je Oui. vais la garder, celle-là. Parce que ça, c'est quelque chose que je sais et non que je pense. Mais en fait, il y a des gens qui disent que l'apparition du Bitcoin et les crypto-monnaies Oh, ben David, il oui, m'amène qui là-dessus. amènent à ce qui est, dans le fond, des monnaies délocalisées, va mettre en échec la notion de monnaie sous contrôle d'une banque centrale. Parce que le cours du Bitcoin, il n'est pas déterminé par la Fédérale Réserve aux États-Unis, ni même la Banque du Canada. C'est déterminé par les Je suis d'accord. utilisateurs. C'est un réseau indépendant. Donc, à ce moment-là, la dématérialisation, ben c'est ça, c'est pas... Dématérialisation. C'est La ça, c'est... dématérialisation. C'est ça, le fait que c'est pas quelque chose de physique, la monnaie, puis la décentralisation, en fait, c'était le mot décentralisation que je voulais dire. Ben c'est un petit peu paradoxal parce que là, récemment, il y a des annonces qui sont faites comme de quoi que Trump, il est pro-crypto, monnaie. Il a même sorti des meme coins. En fait, il a sorti un meme coin par rapport à lui, donc son jeton. Quelques heures après, Mélania Trump aussi. Donc, il embarque là-dedans, mais en réalité, ça me fait rire parce qu'il dit America first, donc les États-Unis d'abord. Il veut se doter d'une réserve de Bitcoin. Où à chaque année, pendant 5 ans, les États-Unis achèteraient 200 000 bitcoins pour avoir 1 million de bitcoins éventuellement, un peu comme une réserve stratégique qu'on peut faire pour l'or. Sauf que le point, c'est que si les Américains investissent là-dedans, puis le but du bitcoin, c'est d'avoir une monnaie décentralisée sur support économique, accessible un peu partout sur la Terre, la minute que tu as accès à un réseau Internet, ça va à l'encontre de la volonté des États-Unis d'abord, puis tout centraliser le pouvoir aux États-Unis, tu comprends? Non, je vois pas ça de même. Mais c'est un sujet très large, je comprends. Je connais pas encore assez tout ce qui est Bitcoin. On en parle un petit peu, toi et moi, de temps en temps, mais je veux aller plus loin là-dedans. Je veux pas m'avancer trop, mais je pense. Moi, le meme Trump ou ces choses-là, je vois pas en quoi c'est un problème, là, justement. C'est pas centralisé. Tant que c'est pas les banques, moi, ça me dérange pas. Mais si les banques veulent faire de la crypto, puis que c'est les banques qui émettent la monnaie, puis les crypto-monnaies par des banques privées, là, on a une crise de problème. C'est autre chose. Mais que Trump parte sa propre monnaie ou qu'il veuille reconstruire la Fed sur une base de Bitcoin, c'est sûr que ça va pas. C'est sûr que le Bitcoin, pour moi, ça va être dans le genre ou d'autres coins. C'est intéressant, puis que ça décentralise complètement l'argent Ben c'est ça, c'est parce que là, dans le fond, D'abord rentrer, mais là, tu ouais. sais, c'est nouveau comme processus. Fait qu'il y a du bon, tu vas avoir toutes sortes d'affaires qui vont se passer. Ça va se nettoyer, là, je sais pas comment. Ben en fait, c'est pas Mais. très compliqué. C'est-à-dire que les monnaies, ce que certains appellent les shitcoins, les crypto-monnaies qui valent pas de la merde, ben c'est eux autres, des fois, ils vont être le. Comment dire, ils peuvent lever d'une manière très temporaire, fugace, puis après ça s'écrase, puis ça ne relève plus. C'est comme la monnaie de Trump, quand elle a sorti il y a à peine quelques jours, eh bien, elle a connu une hausse fulgurante. Puis la minute que le jeton de Melania a sorti, ça a fait ombrage à celui-là de Donald, puis il a baissé. Là, c'est elle qui a monté. Ben, Oui, c'est ça. Ben, pour exact. moi, ça, ouais, ben, c'est comme ma bourse avec des actions très spéculatives. C'est C'est le même ça. principe. C'était Là, pas on est dans la du hautement spéculation du volatile. Bitcoin. Mais là, on parle d'un Bitcoin qui pourrait donner, je sais pas, moi, la valeur d'un PIB d'un pays. On n'est pas rendu là, mais je pense que ça va venir un jour. Ça va être. Puis, d'après moi, ça va être un Bitcoin basé sur de l'or physique Il qui peut va avoir remplacer un... Ouais. la Fed un jour aux États-Unis. C'est une possibilité, mais dans tous les cas, on est dans une ère de digitalisation de la monnaie. Que ce soit la monnaie officielle ou une crypto-monnaie, dans les deux cas, on entre dans une ère où la monnaie devient de plus en plus virtuelle. Mais ça va Éventuellement, on n'aura devenir, peut-être plus de d'après moi, billets de banque. le papier va disparaître, David. Un jour, le papier va disparaître. Ah, ben, à Comme mon avis, c'est une l'argent. question de temps, là. Regarde au Québec C'est qu'est-ce qui ça. se passe depuis quelques années. L'entreprise Desjardins a enlevé des Oh. guichets progressivement dans les différents villages du Québec. C'est sûr que c'était pas Mmh. rentable, il était de moins en moins fréquenté. Je peux comprendre qu'il y a des frais aussi là, pour entretenir ça. Sauf que le point, c'est que c'est un mouvement où il y a une diminution, ça favorise en fait la diminution de l'utilisation de l'argent physique pour tout simplement se rabattre sur l'argent numérique. Oui, mais ça, c'est dans le but que les banques ou les caisses contrôlent ton argent. C'est pour ça que je dis ça. La question qu'on devrait se poser aujourd'hui avec les monnaies numériques qu'ils veulent nous imposer ou amener, c'est qui les contrôle? Moi, tant que c'est la banque qui me demande ça, plutôt c'est moi que les genoux ne plieront pas, c'est non merci, tant que je vais pouvoir. Parce que ce n'est pas les banques qui doivent contrôler ça. Ben en Ça fait, va toujours être en conflit, dans on va finir par l'idéologie du avoir raison. Bitcoin, la monnaie décentralisée, ce n'est pas une Ça. banque d'un pays. C'est un intérêt qui n'est pas régi par l'aspect national, mais c'est une communauté d'utilisateurs qui vont faire le minage entre autres des crypto-monnaies en fonction d'algorithmes qui vont régir ça. Donc là, je te vois froncer des sourcils, là. C'est parce que je connais pas ça, je t'écoute, puis quand OK. ça là, je suis concentrée, il faut que je garde mon attention Non, parce que non, mon ben c'est esprit, ça, mais lui, ça va. c'est que dans le fond, pour ce qui est du Bitcoin, la particularité de cette crypto-monnaie, c'est que chaque transaction est transparente, est traçable. Donc, à ce moment-là, ça permet, on ne connaît pas nécessairement l'identité de la personne, mais on peut voir que, par exemple, une transaction qui a été faite d'un utilisateur à l'autre. Tandis OK. qu'avec la monnaie papier, ben c'est sûr que les transactions ne sont pas nécessairement traçables. Quelqu'un a un paquet d'argent, il en donne un autre. S'il y a rien qui est enregistré, il n'y a pas de blockchain où est sauvegardée l'information comme un registre comptable, ben l'information n'est pas là. D'où le fait qu'on peut payer des choses au noir avec l'argent papier, tandis que si c'est un argent numérique, à ce moment-là, tout le monde peut surveiller tout le monde à travers ça. Donc, ça amène une ère de la transparence sur le plan économique. Ben, transparence. Ça dépend toujours qui mène le choix en arrière, là, tu sais. Transparence. Je sais pas quoi dire. Un peu comme je te dis, je suis pas assez encore à l'aise de savoir si toi, c'est quoi exactement tous les bitcoins, les monnaies numériques, ça implique. Dans quelques mois, je t'en parlerai, là. Mais là, pour l'instant, Mais c'est un ça vaut peu. la peine, je pense, de les étudier parce qu'il y a quand même de l'argent à se faire avec ça. Si on part du fait que Oh, en oui, c'est sûr. 2011, un dollar américain valait un bitcoin et aujourd'hui, en fait, je dirais l'année passée, c'est passé à 100 000 $ là. Donc, ça a augmenté de 100 000 Combien? fois en 13 ans, là. Ça a augmenté de 100 000 fois la valeur, ce qui fait que si j'avais pris en 2011 ne serait-ce que 10 dollars américains de Bitcoin, aujourd'hui, je serais Riche. millionnaire. Mais Oui. t'as ça. Oui, je ben Oui. Toi, tu l'as checké au départ, mais moi, je l'ai vu. Ben là, on parle du Bitcoin USD, là. Quand je l'ai vu, je te l'ai dit l'autre fois, si j'avais, je connais rien, mais quand je l'ai vu à 52 000 US, je me suis dit, ah, faudrait que j'en achète un. Ben, j'aurais fait 50 000 piastres. Ben, si tu l'aurais revendu après à Yeah. 100 000, mais je te dirais que j'ai regardé récemment une vidéo de Cointin Chapeau, c'est un YouTuber. Lui, il est spécialisé là-dedans, puis il estimait que pour 2029, probablement que le Bitcoin va valoir 1 million de dollars. Oui, Parce que c'est une mais croissance là. exponentielle. On aurait dit il y a à peine quelques années que ça vaudrait 100 000. Les gens auraient dit, ça se peut pas, t'es fou. Il valait 1 dollar en 2011. En 13 ans, il a augmenté à 100 000, puis probablement que d'ici quelques années, possiblement 1 million. En tout cas, on verra parce que la seule chose qui me vient à l'esprit quand on parle de ça, c'est que le Bitcoin a été créé USD par la CIA. C'est une possibilité, en effet, que. Non, c'est pas une possibilité, c'est une réalité, As-tu ça. des preuves? C'est eux qui ont créé ça. As-tu des preuves? En tout cas, j'ai pas les preuves à t'amener, mais je peux éventuellement te faire écouter des gens qui en parlent. Mais ça de là, c'est assez connu, là, David, ça, que c'est la CIA qui a créé ça. Ben, en fait, c'est une possibilité que je n'écarte pas parce que ça serait très intelligent de leur part pour, dans le fond, un peu le même principe que l'opposition contrôlée, c'est-à-dire que tu as la monnaie d'un État-nation, les Américains, qui ont le dollar US, et qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est de garder le contrôle. Donc, tu crées un adversaire factice avec une monnaie décentralisée qui se présente comme étant une alternative. Mais en réalité, ça serait totalement logique que les Américains contrôlent dès le départ le narratif avec la CIA pour amener les gens, au lieu d'aller vers d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin, à centrer leur attention sur elle, investir sur elle, alors qu'en réalité, ça serait une alternative factice qui leur permettrait de garder le contrôle. Ou c'est où de financer le projet de mort de déstabiliser la planète, tu sais, sans qu'il y ait de traces. Ben, en Mais en fait, tout cas, on y reviendra sur OK. la crypto-monnaie, si tu veux, quand je serai plus à l'aise avec le contenu. Je n'en connais pas assez, mais ça, CIA, c'est parce que Trump a aussi parlé qu'il démantèlerait pas juste la FBI. Pas démanteler, mais nettoyer. Il a parlé de la CIA, puis il a parlé du Pentagone. Fait que, tu sais. On verra. Oui. Je sais pas ce qui va arriver, là, mais j'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose au Bitcoin. Ben, en fait, vu qu'il est pro-crypto, là, c'est sûr que moi, je m'intéresse à ça sur le plan individuel, parce que, dans le fond, je vois qu'il y a un potentiel en termes d'investissement beaucoup plus grand que d'investir, par exemple, dans l'immobilier, des actions, des fonds Ouais. négociés en bourse ou même sur l'or en termes de croissance. Trouve-moi un actif qui croît aussi rapidement que le Bitcoin au fil des ans. J'ai mis beaucoup de gens de mon entourage au défi, mais il n'y a pas personne qui m'est arrivé avec quelque chose qui accotait ça, là. Non, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a rien comme rendement mieux, mais la question qui se pose, je sais pas, moi, investir pour moi, c'est de suivre mon time frame. Ça ne te parle pas grand-chose. Le time frame que j'ai, c'est peut-être pas le même time frame que toi. Moi, je suis plutôt pépère, comme time frame, pépère. C'est-à-dire. C'est-à-dire que tout ce qui est trop spéculatif ou pas, ben, j'ai toujours été comme ça. Je pense qu'il faut suivre notre Oui, il faut se personnalité un petit respecter, bien peu. sûr. Hein? Oui. Moi, j'ai une personne qui a toujours été sur du long terme, moyen terme, long terme. Ah, ben, il Toujours. y a une perspective Toute ma d'investissement à long vie. terme avec le Bitcoin, dans le sens que, peut-être pas pour le jeton qui est sorti par rapport à Donald Trump ou Melania, là, mais. Pour ce qui est Non, du ça, Bitcoin, c'est pas ce quand que je même, dis. ça fait au moins 13 ans qu'il y a une croissance fulgurante, là, entre autres par rapport au dollar américain. Et comme la quantité de Bitcoin qui va être produit est déjà prédéterminée à l'avance, c'est-à-dire ça va être 21 millions, ça fait que ça nous protège de l'inflation. Parce que sachant qu'il y a une Exact. quantité limitée de dollars, en fait de Bitcoin qui va être produit, à la différence de dollars américains qu'on sort régulièrement à place un billet, puis ça amène à l'inflation, puis une dissolution de la valeur, ben, on n'a pas ce phénomène-là. Puis au contraire, à mesure que la valeur du dollar américain se déprécie, la valeur du Bitcoin augmente parce que il y en a en moins grande quantité que le dollar américain. Donc logiquement, s'il y a une demande qui est constante ou croissante, ça va prendre la valeur. Ça a du sens. Oui. Oui. Bon, OK. Je suis drôle, je ne sais pas quoi ajouter. Je ne peux pas ajouter à ton Non, non, propos, mais ça se peut que tu sois mais vraiment oui, d'accord, tout à mais fait. c'est ça. Puis, mais toi, ce que je veux dire, c'est que si on avait un peu parlé, premièrement, tu es plus jeune, tu peux prendre des risques que moi, je ne prendrais pas. À 63 ans, c'est pas la même chose que je dirais pas ton âge. À Mais 43 tu ans. sais, On a 20 ans t'as quel âge? 43, on a 20 ans qui nous séparent. 43 ans! Mon Dieu, c'est Oui. le fun, la quarantaine. Ah, moi, j'ai bien aimé ma quarantaine. Merci de me rappeler ça. C'est un bel âge. On se sent mature, c'est plus intéressant, en tout cas. Ben, c'est ça. J'ai pas la même approche, mais comme je dis pas non, le Bitcoin, ça m'intéresse de l'étudier. J'embarque tranquillement, je t'en reparlerai hors d'onde. Je veux pas. OK, il n'y a Ça pas de intéresse pas tout problème. le monde, ce qu'on parle, là. Non, non, Mais je sais, mais la plupart des j'ai l'intention gens. d'aller dans ce marché-là, mais tu sais, Oui. sur mon ensemble budgétaire, ben, ça va être peut-être un gros 10, maximum 10% de ce que j'ai comme disponibilité, que je vais travailler avec ça. Moi, je veux le travailler plus, pas Ben, du c'est long bien, terme, le la Bitcoin, de le diversification. coin. Oui, ça va faire partie d'une diversification. Non, non, mais c'est Jusqu'à bien. présent, Moi-même, ben, je n'investis pas tout mon argent là-dedans, bien que ça jamais ta m'intéresse. survie. Jamais ta survie, David. Non, c'est ça, exactement. Jamais. Parce que faut pas se mettre dans le pétrin. Non. Puis, dans le fond, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est très volatile, puis spéculatif. Donc, les crypto-monnaies en particulier, là, c'est sûr que le Bitcoin devient de plus en plus une référence, là, dans le sens que s'il y a le Salvador, c'est les États-Unis puis d'autres pays qui embarquent pour se doter d'une réserve. À ce moment-là, c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur puis qui va amener sans doute une augmentation de sa valeur, dans le sens que la demande est en croissance. Mais 1 million, j'ai pas de doute qu'il va monter, il peut monter là. Le Bitcoin présentement, ça a du sens ce que tu dis, c'est pas parce que ça n'a pas de sens, c'est juste que j'en connais pas grand-chose, fait que je peux pas ajouter. Non, non. Mais c'est sûr qu'il y a un avenir là-dedans. Puis plus c'est décentré, mieux j'aime ça. Moi, c'est pas le goût. Tant que c'est pas le gouvernement puis les banques, ça Ben, c'est parce que le concept derrière le Bitcoin, c'est celui d'une monnaie décentralisée où chaque individu devient sa banque. Au lieu de faire référence à une entité Ben oui. extérieure, toi, tu possèdes le Bitcoin, puis c'est géré pour ce qui est de la création des nouveaux Bitcoins en fonction d'un algorithme. C'est des gens qui doivent régler des équations mathématiques. C'est l'ordinateur qui les règle plus rapidement que les autres, que le Bitcoin, qui amène la création. Parce qu'en réalité, c'est crypté, c'est des codes. T'sais, quand tu regardes ça revient à dire que la monnaie, ça repose des équations mathématiques dans le cryptage de données. Mais l'encryptage de données, ce qui est intéressant, c'est que c'est de plus en plus utilisé. T'sais, des compagnies comme PayPal. Et des compagnies bancaires que, pour favoriser la confidentialité, bon, vont encrypter de l'information. Donc, Mais c'est appuyé sur quoi, David, un Bitcoin? un code Qu'est-ce que... informatique. C'est tout. En fait, tu es en train de me dire qu'on investit dans une croyance de code, d'un En fait, code. on investit dans Il n'y aura la. aucun bien derrière ça. Il n'y a Non, pas de il n'y a pas de mobilier l'or, il n'y a pas immobilier. Il n'y a de. rien. En fait, C'est de l'air. Ce qu'il y a derrière ça, c'est une équation mathématique qui est supportée par un réseau d'ordinateurs. Puis ça prendrait des ordinateurs très puissants, voire des ordinateurs quantiques pour décrypter le code. Puis, dans le fond, ensuite, frauder tout ça, là. Fait que ça repose sur la confiance de la force de la blockchain, donc du support informatique qui sert à ce qu'il y ait une fiabilité dans les cryptages des équations mathématiques qui permettent au Bitcoin d'exister. OK. J'ai la tête de même Ben, parce la que. confiance repose sur un réseau d'ordinateurs. C'est sûr que c'est très abstrait. Autrefois, la confiance reposait sur l'or ou le pétrole, le pétrodollar. Mais là, c'est sur la fiabilité d'ordinateurs pour de l'encryptage de données. Mais ça veut dire que si un jour il existe, parce que ça s'en vient peut-être, hein, je sais que ça n'existe pas totalement encore, mais un ordinateur quantique. Oui, ça fait partie des menaces par rapport à la fiabilité. Il va rentrer là-dedans facilement, puis Ben, en comme fait, il il va pourrait prendre décrypter, entre des autres, codes, c'est ça? des codes liés, dans le fond, à la génération de Bitcoin. C'est sûr, c'est une menace qui est quand même réelle, parce que j'ai lu là-dessus. Parce qu'au départ, j'étais réticent, il y a quelques mois, d'investir dans le Bitcoin, parce que je me dis, je vais me renseigner de long en large. Parce que, dans le fond, si Il y a un ou des ordinateurs qui sont plus fiables que l'ensemble des réseaux ordinateurs, qui est quand même de plus en plus volumineux au fil du temps, là. Je veux dire, il n'y a pas juste un ordinateur derrière ça, mais c'est vraiment une très grande quantité Une d'ordinateurs en toile. termes de puissance. Oui, c'est ça, exactement. Le réseau est quand même Une très vaste. D'un côté, d'égaliser ça, c'est très difficile. Mais ce qui pourrait aller au-delà de ça, ça serait la puissance de technologie d'ordinateurs extraterrestres ou quantiques, qui aurait une plus grande capacité de traiter des données rapidement, qui pourrait décrypter les codes. Puis là, à ce moment-là, la sécurisation du code, ça serait fini, là. C'est une menace qui est quand même réelle, mais qui n'est pas nécessairement là Pas de de ce que la je même comprends à tête. moyen Ben, terme pour ou à long l'instant, terme, c'est à court protégé, terme. Ouais. David, pour l'instant. Pour Ça l'instant, n'existe c'est pas ça. encore. Mais pourquoi qu'on parle d'ordinateur quantique si ça n'existe pas? Ben, ça dit, excuse-moi, les ordinateurs quantiques existent, mais présentement, peut-être que ça en prendrait plusieurs pour décrypter le codage lié au Bitcoin, là. Mais ça va prendre. En fait, il y a plusieurs scénarios, mais éventuellement, il y a une possibilité que je trouve intéressante, c'est-à-dire nos ordinateurs personnels vont pouvoir se connecter, un peu comme on se connecte sur Internet, à des ordinateurs quantiques qui vont avoir une très grande vitesse de traitement des données, un peu comme aujourd'hui, on va aller sur Internet, on va sur Google, on a accès à des informations, mais ça va être multiplié par des ordinateurs quantiques qui ont une vitesse encore plus grande que les ordinateurs binaires qu'on a présentement, là. Alors ça, je n'ai pas de doute que ça va venir un jour, mais c'est de savoir quand. Ben, on se Hey dirige vers David, ça. je m'arrêterai là-dessus pour le sujet, parce que je commence à me fatiguer sérieusement. Il n'y a aucun problème. Ça m'exige, je m'excuse tout le monde, là, je ne veux pas bloquer le fun de personne, mais ça m'exige beaucoup ce que tu parles. Parce que je connais rien là-dedans, mais j'essaie d'ouvrir, puis je me sens comme fatiguée. Non, ben écoute, c'est très exigeant d'étudier les crypto-monnaies parce que c'est beaucoup des Ouais. concepts abstraits. Moi-même, je les Ouais. maîtrise pas toutes, puis là, j'écoute des fois des gens dans le domaine sur YouTube, puis là, il y a question de finances décentralisées, Oh boy. qui a un narratif, il y a le narratif sur l'intelligence artificielle, qui s'est lié à des crypto-monnaies. Ensuite, il y a le narratif aussi par rapport au métaverse, comme par exemple, tu as Facebook, puis là, tu as des narratifs comme de quoi que on va générer des univers parallèles. Ensuite, la tokenisation du réel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter des jetons qui vont être en relation, par exemple, avec un hôtel à New York ou un peu partout. Donc, au lieu d'acheter des parts comme on achète des actions d'une entreprise, ben là, c'est sûr qu'en ligne avec les crypto-monnaies, c'est que tu achètes des jetons qui sont des parts de l'entreprise, là. Mais il va y avoir, dans le fond, l'une des menaces, justement, qui va faire en sorte que le coût de l'habitation risque d'augmenter beaucoup aux États-Unis puis au Canada. C'est des compagnies comme par exemple BlackRock qui ont des fonds négociés en bourse, qui sont des gros acteurs parce qu'ils valent plusieurs milliards. Eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire par exemple dans un quartier, on achète toutes les maisons et ils vont faire des fonds négociés en bourse en lien avec ça. Et eux autres, dans le fond, vont faire en sorte que les maisons seront, si leur scénario s'actualise, naturellement, j'espère que non, mais éventuellement, les maisons vont être difficilement achetables. Tout le monde va être prêt à louer à des prix exorbitants. Puis, ça va être aux investisseurs qui vont avoir des parts là-dedans, un peu comme on a des parts par rapport au SP500 ou au Nasdaq 100 de différentes entreprises. Donc, il y a un narratif qui s'en va vers ça. Pas très intéressant, ce bout-là. Je suis pas nécessairement BlackRock, moi, je d'accord. pense pas que. Ben, en tout cas, je le vois. Pour moi, BlackRock, c'est quelque chose qui meurt d'ici maximum 10 ans. Fait que, ça tiendra pas la route, cette compagnie-là. Ça va se démanteler. En tout cas, on s'arrête-tu là-dessus, David, si ça te Oui. dérange pas, je m'arrêterai. Je suis fatiguée aujourd'hui. Ben, j'espère que je n'ai pas été trop fatigant. Non, OK. pas du tout. Pas du tout. J'étais déjà quelqu'un. Est-ce qu'on est toujours en ligne? On jase, là, monsieur, Oui. madame, tout le monde. Oui, ben, on est toujours en Ben, c'est ça, contact. je peux le dire. Non, mais je peux le dire publiquement. C'est pas toi qui m'épuisais. Mais ça fait quelques nuits que je dors pas toutes mes nuits complètes. Je me réveille souvent la nuit ces temps-ci. J'ai pas d'inquiétude particulière si ce n'est que je me réveille, ting, et que j'attends de me rendormir, ting. Ben, 7, 8 fois dans la nuit, ça fait pas des nuits reposantes. Puis j'ai quand même des grosses semaines. Ces temps-ci, je travaille beaucoup. Bien. Assez. Alors, c'est pour ça que je suis fatiguée, mais pas. Mais la crypto, c'est sûr que c'est pas un sujet qui me vibre. C'est un sujet intellectuel pour moi. Et Oui. ça, des fois, je viens plus fatiguée, plus vite. Mon intellect est en train de mourir, mon cher David. Non, mais nous affolons pas, Mon tu es quand chum, même il demande, je suis vif Alzheimer d'esprit, tu es capable pendant. Hein? de conversation, là. Oui, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas une capacité de rester sur intellectuellement focus sur quelque chose longtemps ces temps-ci. Peu importe le sujet en passant. Ce n'est pas nécessairement que la crypto ou parce qu'on parle de monnaie. C'est pas mal tout. Même parler de la conscience, que j'appelle la science de Comte de plus en plus. Même ça m'épuise. Ouais, ben à un moment donné, on sature de Je. tout aussi, tu sais. Pendant des Pardon? années, à un moment donné, on sature aussi de certaines choses. Je suis plus dans ma vie. Ces temps-ci, je dirais que je suis dans ma vie avec mes petites affaires. Vraiment. Puis ça me relaxe beaucoup. Puis oui, je passe à l'étude de la crypto. Ça m'intéresse, cette affaire-là. Je prends un atelier, d'ailleurs, le 2 février avec M. Yves Uzereau, pour débutants. Parce que je veux une structure. J'ai besoin d'une structure mentale, comprendre un peu mieux toute cette abstraction-là. C'est très abstrait, là. Oui. Mais il y a moyen d'avoir un petit structure. J'ai besoin d'un petit cadre, moi. Fait qu'un cours, pour moi, c'est un cadre que je me donne. Parce que sinon, je pars partout et je ne veux rien faire. Puis je sais qu'il faut que je fasse quelque chose avec mon argent quand même, que je prenne en charge mon argent. Fait que je le fais, mais je cherche d'autres, comme tu dis, divertir, pas divertir, non, pas divertir, mais Diversifier, diversifier ça peut être mon une approche placement. à considérer dans le sens que si à un moment donné il y a quelque chose qui fonctionne plus, ben tu as des alternatives. C'est ça. Mais je suis tentée avec le Bitcoin. M'arrête là. Même à 103 000, des fois, je me dis, bon, on dit, ah oui, non, mais ça me Ben casserait, en pas fait, que ce que ça je me te dirais, casserait, mais c'est ça me que bloquerait d'autres projets. ce qui peut être intéressant à étudier dans l'optique d'investir en Bitcoin ou en crypto-monnaie, c'est le cycle que fait le Ouais. Bitcoin qui est en lien avec une période d'environ 4 ans qui est marquée par le halving. Donc, le halving, tu as le mot half qui veut dire moitié en anglais, où la quantité de Bitcoin produit est divisée par 2. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y en a 6 000 qui est produit par jour, 3 000, 1 500, ça diminue tout le temps. Et si la demande OK. est constante ou croissante, ce que ça fait, c'est que ça crée une pression acheteuse sur le marché. Parce que si tu diminues la quantité qui est produite, mais les gens en veulent tout le temps autant, voire plus, ben à ce moment-là, ça augmente la valeur, tout simplement. Autrement dit, tu crées de la pénurie pour faire monter ta valeur. Qui est programmée par algorithme, oui. J'ai une petite misère avec ça. Ben, C'est comme c'est. jouer avec des jeux de pouvoir pour manipuler les autres, ça. Ben, en fait, Sais, quand la. on devient conscient, puis très, très, très, très Oui. lucide sur nos vies, puis de plus Oui. en plus conscient avec des mécaniques de l'astral, c'est facile de manipuler les autres, hein? C'est sûr. Ça ressemble à ça comme structure que tu me décris, mais pas au niveau psychologique, là. Mais c'est pas. Ben, C'est étrange. c'est parce que si les gens comprennent les règles du jeu. Bon, tu sais que la façon que c'est fait, c'est qu'il y a tout le temps une diminution de la quantité de moitié qui est faite aux environ 4 ans. En fait, c'est en fonction d'un nombre de transactions, mais ça revient à peu près à 4 ans. Ben là, tu sais que si la demande est constante, ben ça va comme tout le temps augmenter la valeur parce que y en a aussi au total, les derniers bitcoins vont être en fait produits d'ici à peu près 2140. Donc, tu sais qu'à un moment donné, il n'y en aura plus de produits. Fait que c'est pour une quantité limitée, ce qui est le contraire de l'argent des États-nations, que ce soit le Canada ou les États-Unis, ou même la France. Ben, c'était pas de Emmanuel. même il y a 100 ans, là. On s'est mis à produire de l'argent papier sur rien comme Oui, c'est dollar. ça. C'est venu les dernières, je sais pas, 40 ans, là, 30, je sais pas, mais En fait, de ce on que n'a pas j'ai toujours fait compris, c'est ça. que C'est ça l'argent qui a qui. scrapé le système, Ben d'ailleurs, oui, ben de c'est l'argent ça. avec papier. C'est ça, c'est parce que l'argent est plus adossé sur l'or aujourd'hui. Mais C'est qu'est-ce qui l'argent nous garantit structural. que ça se fait pas? Ben, je pense que c'est loin. On est Comment? loin dans le temps. Mais c'est parce Je me que. dis, ben, ça pourrait se reproduire avec de la crypto aussi, ça. Ben en fait, il peut y avoir des fraudes liées aux crypto-monnaies, il faut être vigilant. Mais pour ce qui est du Bitcoin, par Ouais. rapport au protocole qui est en place présentement, en lien avec sa programmation, donc C'est c'est que différent. Est-ce que d'ici c'est plus? 2000. 40 environ, Il n'y en aura pas d'autres de produits. Il va y avoir un total de 21 millions. Puis, si la monnaie devient à ce moment-là de notoriété internationale, un peu comme le dollar qui est utilisé pour transiger dans le domaine du pétrole, peut-être à un moment donné, ça sera le Bitcoin à la place comme référent. Bon, ben, ça va faire en sorte qu'un Bitcoin, peut-être à un moment donné, ça va valoir 1 milliard. On verra. Peut-être qu'on parle de ça, puis je vois Kennedy dans le temps, le Kennedy qui est assassiné là, en Oui. 1968. Il avait essayé de sortir une nouvelle monnaie. Hein. Je ne sais Ah. pas si tu es au courant. Oui, Non. c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils l'ont assassiné, c'est qu'il a, pas rien que ça, là, mais il avait ça. Il a sorti, j'ai vu ça, il y avait un 5 $ américain. Puis si vous regardez sur les billets de banque américaine en haut, ce qui est marqué, c'est ce billet appartient à la fédérale, à la Banque fédérale des États-Unis en général. Mais sur ce, en passant, quand ça dit Banque fédérale des États-Unis, on sait que ce n'est pas fédéral. C'est une banque En tout cas, privée, n'a de les gens ont fédéral compris que ça. le J'espère nom. que la Fed aux États-Unis, c'est une banque privée. Et là, Voilà. vous voyez sur tous les billets américains, c'est marqué depuis, je ne sais plus quelle année, là, quelle année ça s'est fait, ça fait longtemps. Bon, ben, le billet appartient à la Banque fédérale des États-Unis. Mais Kennedy, lui, crée un 5 $ puis c'est marqué ce billet appartient à la Banque américaine. Ah. Ou une affaire de même. Puis il avait mis ça en production, il voulait créer une nouvelle argent. Je pense que Trump va revenir avec cette idée-là. Mais d'une façon, pas de la même façon, mais il va créer la propre monnaie pour sortir de la Fed, justement. Quelle forme ça va prendre? C'est là que ça se passe. C'est-tu en Bitcoin? C'est-tu en ci? C'est-tu en... Je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'ils ont rapatrié autant d'or de l'Italie pour ramener ça dans le coffre pour rien. Parce que les Américains Moi, je pense qu'ils ont vont... rapatrié de Mais l'or je pense présentement? qu'ils peuvent créer sur une monnaie... Bon, c'est ça, je te disais tantôt. D'après moi, il peut partir un Bitcoin Ben, en fait, il a déjà parti son basé même sur coin, l'or. Trump. Non, non, Non, non, il je m'a revenu avec mine. sais. Mais Trump, pas ça, je parle de créer vraiment une nouvelle monnaie. Alors, là, il va faire tellement d'argent avec ça qu'il va peut-être pouvoir payer la dette externe, je ne sais pas, je blague, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec l'or, puis cette monnaie numérique, cette affaire numérique-là, là, il y a quelque chose qui joue un lien avec ça. Mais pourquoi, c'est ça que je dis, Non, non, mais je il ne pourrait sais avoir une monnaie numérique qui est adossée sur l'or, un peu comme aujourd'hui, tu peux avoir par exemple des fonds négociés en bourse qui visent à répliquer la valeur de l'or. Sont supposés être, dans le pas fond, surprise de appuyés voir sur des apparaître lingots ça, José. d'or. Parce que, en tout cas, on verra. Le Bitcoin est un. C'est sûr, dans le coin, il y a un avenir. Mais là, je m'arrête là parce qu'on parle encore de ça, puis je vais m'arrêter. Parce que je suis fatigue. Non, non, mais je Bonne nuit. comprends. Bonne nuit, les amis. Ben en fait, Bonne à l'autre éteinte. pour terminer, on peut rappeler aux gens que s'il y en a parmi vous qui, suite à l'écoute de cet enregistrement, ont envie d'entrer en contact avec toi pour une consultation, que... Pas sur le Bitcoin, s'il vous plaît. Non, non, T'appelais David. une consultation au niveau de l'intégration de l'instruction supramentale, parce que, dans le fond, Pierre-Luc t'a nommé instructrice supramentale, n'est-ce pas, avant qu'il Décidé meure. ça, oui. Rien de moins. En son honneur que je le garde. Moi, je Oui. suis à l'aise avec n'importe quelle appellation. Mon travail, c'est de l'accompagnement dans un temps difficile pour les gens. Et j'ai de très bons résultats. C'est ça que je trouve c'est intéressant, c'est d'observer comment ça marche. Mais pensez pas qu'avec moi, vous allez vous amuser avec l'occulte. Je suis plutôt du genre à fermer les valves. Ouais, parce que cette crise de gang-là, on en reparlera un jour, là, parce que. Mais t'as vu, à soir, je t'ai pas parlé de C'est ça. l'esprit. Ouais. Non, Juste le mot pompe. non, mais moi, ça me Les dérange pas esprits, ben c'est parce qu'il de... y a confusion dans Ouais. la spiritualité. Les gens prennent l'intelligence pour des esprits. Il y a le monde de l'esprit, ça existe, là, des esprits, puis ils ont des égos, puis c'est un monde parallèle, puis c'est des acides bullshiteux qui interceptent notre vibration, puis qui nous font croire toutes sortes de conneries. Surtout quand ils vous disent quitter votre chum, quitter votre femme, quitter votre mari, aller n'importe quoi. J'ai vu du monde se mettre en faillite avec des esprits d'esprit, de calice. Esprit que ça n'a pas de bon sens. Esprit, ça n'a pas d'allure. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que nos jurons québécois, des fois, quand on utilise certains mots dans notre vocabulaire coloré, avec C'est vrai, des relents religieux, ben on va dire esprit que ça n'a pas d'allure. Mais c'est hein? vrai que le monde de l'esprit, quand tu regardes ça n'a pas tellement d'allure parce que ça manipule les gens. Pis, Les petits crosseurs. Oui, exactement. Mais c'est parce Ils ont que. un agenda, puis c'est rien qu'à leur service, puis nous autres, ils s'en crissent. Fait que Mais c'est parce que puis dans je le parle pas juste fond. du monde de la... C'est pas juste l'Astra, là, c'est Oui. vraiment un paquet Ben, qui ouvre. ce qui m'a amené à être critique, entre autres, par rapport à l'instruction supramentale et même Bernard de Montréal, Là, je parce parle que. pas de monde supramental, là, je parle d'esprit, là. Allô? OK, mais c'est parce qu'il y a de l'esprit à ce niveau-là aussi. Non, il y a de l'intelligence, mais pas d'esprit. On en reparlera, je suis On a peut-être pas, fatiguée, on mais donne ça, pas c'est un débat peut-être qu'on pourrait le avoir. même sens au mot, là, mais. Non, c'est la définition que toi, tu y donnes. Moi, c'est pas Ben, c'est celle que je ça. préfère. Parce qu'on n'a pas nécessairement la même définition C'est par des rapport à ça. les mots, c'est ça. C'est pour ça qu'il va falloir s'entendre, discuter. Mais pour moi, le monde des esprits, ce qu'on appelle d'esprit, ça l'a pas, c'est pas le supramental. Puis même là, le supramental, je l'ai toujours dit, c'est une première marche sur deux autres paliers plus haut. OK? Fait que, le supramental, c'est comme si on avait 4 ans. On débute, c'est un C'est ça, palier mais c'est parce qu'après ça, il y a supérieur. des gens qui vont dire que les autres paliers, c'est, mettons, le palier de la conscience bouddhique, la conscience cosmique, puis nirvanique. Je sais pas. Ben Je non, mais sais c'est qu'il ça, mais c'est parce y a un que. plan de création Ouais. universel, là, puis il y a une couche en bas qu'on appelle le plan bouddhique, ça c'est Ken qui a amené Ouais. ça. Mais ça peut être de l'intelligence et du cœur aussi. Ça peut être. Le supramental, c'est des intelligences, mais c'est très froid. Mais Mais pour pour moi, moi, on ce n'a que je pas veux la dire, même c'est vision mettre le des pied dans le choses. supramental, Ouais. c'est qu'un premier niveau, Ah c'est non, non, comme mais être c'est pas simple. le bout du C'est pas être. bout, C'était pas comme rendu dirait nulle part Bernard. ailleurs, là. C'est pas si grand que ça, Non, là. non, mais c'est sûr que c'est pas nécessairement le bout du bout, comme disait Bernard, là. Ouais. Mais bref, Non. moi, pour moi, moi, je suis d'une différence, une vision un peu différente de la tienne, mais c'est correct qu'on a chacun notre façon de faire ou de voir. Pour moi, tous les niveaux, c'est de la manipulation. Que ce soit astral ou mental ou supramental, ou y a toujours quelque chose qui cherche à tirer les ficelles dans sa Ben direction. oui, parce qu'il faut percer les nuages, David. La vibration, une vibration, là, je l'ai toujours dit, c'est comme un ambitchi, mais on essaie de définir une vibration. La vibration, ça part des plans supérieurs. Le plan de création qu'il y avait, là, ça part en vibration. Mais le problème, c'est qu'il y a des hosties de nuages gris, dont le monde des esprits, qui captent ça, puis qui nous envoient des hosties d'informations de marde en nous trafiquant. Mais pour pouvoir, il faut percer ça, il faut aller plus haut, hostie, vibratoirement. Mais c'est une vibration, je peux pas induire ça à personne. C'est une vibration, il faut être capable de le faire soi-même. Oui. Ça s'instruit pas, ça. Mais le monde supramental, pour moi, ça existe vraiment. Je l'ai dit à. Comment il À s'appelle? Pierre-Luc. Excusez-moi. Il est mort de rire parce que je parle, il a peur que je dévoile le prénom de Pierre-Luc. Mais il a raison parce que je suis terrible. Non, c'est ça, j'ai eu cette discussion-là avec Pierre-Luc avant sa mort. Tiens, on voulait un peu clôturer avec Oui, bien ça, sûr. hors ligne. Parce qu'à un moment donné, il me disait: Ouais, mon âme, il nous manque tout, c'est des hosties de menteurs, tabarnak, et tout, blablabla. Puis il était très révolté. Je dis: Ouais, mais pour moi, tout ce qui est esprit astral, les modes des esprits, ça nous ment. Contact supramental, pour moi, il ment pas. Mais il dit pas tout. C'est-à-dire que si. C'est pas Ouais, mais dans tu sa peux job de mentir nous par informer. omission. Attends, j'ai pas fini, coupe-moi pas, je vais perdre l'idée. OK, vas-y. Ce que je dis, c'est que c'est pas dans l'idée. Ils sont pas là pour nous rassurer, ce monde-là. Ils sont là pour qu'on exécute notre plan de vie. Puis là, il y a bien du monde qui pense qu'ils ont choisi, ils n'ont pas choisi le plan de vie. Vous croyez ce que vous voulez, je m'en tape. Moi, j'ai choisi mon plan de vie, puis je me suis incarné dans ce plan de vie-là. C'est justement ça, c'est à ça que ça sert, supplémentaire, s'assurer que tu règles ce plan de vie-là. Point barre. Ils ne sont pas là pour te dire de te faire gagner de l'argent, ils ne sont pas là pour te dire de souffrir. C'est toute la bullshit, ça. Mais c'est ça, le monde des esprits. C'est un hostile monde de merde qui. On peut penser que c'est de l'intelligence supramentale, mais ça n'est pas. On en reparlera. Tu as quelque chose à débattre, ça? Oui, Non? certainement. Mais c'est parce que Ça tu. me C'est réveille. parce que tu. Oui, ben je vois ça, donc, parce que là, je te sens dynamisé. Puis c'est moins exigeant intellectuellement que parler du Bitcoin. Mais c'est plus Oui. vibrant. Donc, mais en fait, Mais oui. c'est difficile à expliquer une vibration, c'est ça que je dis, c'est extrêmement difficile. On en reparlera parce que je suis sûr que c'est un sujet qui pourrait être intéressant pour bien du monde. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vivent à peu près ce que je dis. Ah non! Les gens qui vivent la conscience, je le regrette, en a peu ou pas présentement. Pas mal plus que tu penses. Pas parce que le monde parle pas qu'ils sont pas conscients. Puis c'est pas parce qu'ils parlent pas qu'ils ne vivent pas de la conscience. Voyons donc. Parler, c'est une fonction, là. On parle parce qu'on a une fonction de parler. Il y a plein de gens que j'ai connus qui sont très, très en processus de développement d'intelligence puis qui ne savent même pas. Ben, tant mieux pour toi si t'en connais. Moi, Oui, ils j'en. sont moins charriés, en tout cas, eux autres. Oui, pardon? Tant mieux pour toi si t'en connais, mais moi, en tout Oui, cas, j'en connais. j'en connais presque pas. J'en connais quand même. Ben là, Non, si t'en regardes les j'en gens dans connais les du monde, médias ben peut-être. alternatifs ou les médias officiels, je trouve que ça vibre pas fort. Ah, mais là, mon ami, amène-moi pas là-dessus. C'est parce que là, je faisais vraiment le collectif, c'est une chose. Ouais. Là, je suis dans l'individuation. OK. L'individu, puis ça. Quand je parle de conscience, ça ne parle jamais de collectif. Je suis désolée. Pour moi, la conscience collective, ce n'est pas la conscience individuelle. C'est deux mondes C'est ça, qui mais je se veux dire, côtoient. sur Internet, Il y en a un t'en qui vois va pas mal pas, plus ou vite que peu. l'autre. Je veux dire, mais c'est parce que le point que je voulais dire, c'est que dans les médias, que ce soit les médias officiels ou sur Internet, des gens conscients, t'en vois peu ou pas. Moi, tu sais, j'évalue pas ça. Moi, pour moi, on est tous en mode de début d'intelligence ou de connecter avec quelque chose qu'on appelle de l'intelligence. Appelez-le comme vous voulez, mais quelque chose qui se connecte à nous intérieurement. Moi, là, je vais finir avec ça. Pour moi, de l'intelligence, il faut que je le reconnaisse que c'est intelligent. Il faut que ça connecte avec quelque chose de moi. Fait qu'il faut se connaître, Chris. Tu sais, si ça me dit, tu sais, un exemple, Oui. mettons, investir dans telle action qui est très spéculative. Ça, c'est pas pour mon intelligence qui est pas intelligente du tout. Je suis pas bâtie de même. J'ai jamais spéculé de ma crise de vie. Ah! Non! Et ça, c'est qui m'a envoyé cette crise de pensée de marde-là? C'est-tu de l'intelligence ou du monde des esprits? C'est ça que je dis, les petits noirs. Faut que l'intelligence, ça se reconnaît par nous-mêmes, puis c'est vibratoire. On le sent que c'est intelligent. On le sent que ça nous fait du bien, que ça nous drive. Et que c'est une vibration, c'est point barre. Ça, c'est clair. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, bien, ça nous ramène au fait que dans le domaine de l'investissement, que ce soit en crypto-monnaie, en actions, fonds négociés en bourse ou autre, bien, on peut être manipulé, entre autres par l'avidité, par l'astral. Oui. Puis il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent en investissant dans les cryptos à cause de l'appât du gain, entre autres. C'est sûr que c'est une menace qui me guette parce qu'il y a quelques semaines, je découvrais ça puis je trouvais ça fascinant. Le Bitcoin, le C'est tentant. potentiel de croissance lié à ça. Mais il faut être capable de se voir aller par rapport à ça. Te connaître, toi. Toi, il Oui, faut que tu te exact. connaisses. Est-ce que, tu C'est ça. sais, c'est quoi ton. Faut être en paix avec nous, ce qu'on fait aussi. Puis, tu sais, t'investis, puis tu stresses pendant 4 jours. C'est idiot, là. Tu sais, j'ai investi, t'es le même. C'était pas ton time frame. Il y a quelque chose qui marche pas dans ta Non, façon. non, il y a des gens Je qui s'empêchent de dis pas que tu fais dormir, ça, puis là, mais non, les moi gens pas, font non, ça. exact. Ça n'a aucun sens. Faut Ben oui. pas que ça change ta vie. Puis l'argent, elle vient avec des gens qui ont de la structure. Fait que moi, pour moi, c'est intéressant parce que tu te structures. Passer à l'étude, des choses structurées, tu sais, comprendre la méthode, c'est de la structure. Ça, pour moi, ça a du sens. Il y a des risques que l'argent débarque. Parce que l'argent, ça débarque dans du monde qui a de la structure. Sinon, on la dilate. Ben, il faut contenir la structure. Mais pour ce qui est de l'investissement en crypto-monnaie, là, la plupart des gens font pas d'argent avec ça parce qu'ils manquent de contenance. Puis il y a des périodes dans le cycle du Bitcoin à respecter, entre autres, pour les gens qui investissent, parce qu'il y a une période haussière puis baissière, entre autres, qui a été observée dans les années précédentes, là. Comme beaucoup, comme les actions, mais c'est comme c'est des nouveaux produits, on connaît moins bien le cycle, mais les actions ont des cycles aussi. Ah ben oui, exact. Comme là, Mais on rentre dans un cycle aurifère, là, ça fait 20, 30 ans que le cycle aurifère est mort, là, dans les fins des années 70, début 80, l'or de la merde. Tu sais. Et oups, ça repart. Depuis 4 ans, l'or, le Ah monde oui. aurifère, moi, j'ai doublé mon CELI avec d'investissement dans le minerai. Ben, c'est-à-dire, le CELI, En c'est 8 mois, 8 mois. OK. C'est au niveau d'investissement et fonds négociés en bourse, des actions? OK. Mais c'est pas le rendement d'un Bitcoin, on se comprendra, mais Mais doubler un c'est très CELI bon. en 8 mois, juste parce que j'ai acheté du pétrole, puis j'ai acheté des compagnies de pétrole, des compagnies de minerais d'or, d'extrait d'argent et d'or, doublé. Fait que, tu sais, mais moi, c'est mon time frame, que moi, je suis sur plus long terme. Moi, tu sais, comme j'ai acheté de l'or, dans ma tête, je tiens ça au moins 5 ans. Bien, l'or, c'est une J'ai. très bonne valeur refuge parce qu'à différence de la monnaie, Ben, elle ne se dévalue pas oui, autant. ça dépend des périodes, David, parce qu'il y a un temps, on s'arrête vraiment là-dessus après, là, mais il OK. y a un temps Oui. où c'était pas payant l'or, c'est ça, je dis, c'est une valeur refuge, oui, Mais mais là, c'est temporairement, plus mais au juste niveau le de refuge, c'est l'histoire. payant. Non, non, mais je veux dire, c'est que temporairement, en effet, il y a eu des périodes, ça a été moins payant, mais au niveau de l'histoire de l'humanité, en général, la valeur de l'or a toujours été très bonne. Si on prend ça sur plusieurs décennies, là. Oui, mais si on regarde à cause de l'apparition de tout ce qu'on a parlé avant, de l'argent qui s'est mis à être imprimé, puis toutes sortes d'affaires bizarres qui se passent dans nos affaires là, depuis 5, Oui. 75 ans, ben, dans les années fin 70, début 80, la plupart des banques se sont débarrassées de l'or, tranquillement, dans leurs banques, parce qu'on imprimait le papier, puis on n'avait plus besoin de supporter avec l'or. Quelque chose qui a été modifié. Ça a duré 30 ans, pas Ben oui, full, c'est là, parce plus que 30 qu'autrefois, ans. les billets étaient payables au porteur, tandis que là, les Oui, billets de c'est ça. banque ont cours légal. Ce qui n'est pas pareil, Oui, parce c'est ça. qu'autrefois, tu aurais pu te Exact. présenter à une banque avec un billet d'argent, puis comme c'est payable au porteur, eh bien, toi qui portes le billet, tu aurais le droit d'avoir l'équivalent en or tangible, physique, de la valeur du billet de monnaie, là. De monnaie que j'avais. Ah, OK, oui, Ça, c'est c'était vrai, c'est ça. autrefois, puis c'était avant la réforme bancaire. En fait, avant les années 1970, il y a eu une période que les banques étaient obligées de, si quelqu'un l'exige, ils sont obligés de donner l'équivalent de la valeur en or. Dans ce cas-là, si le billet a juste cours légal, ils sont pas obligés de donner l'équivalent en or, fait que ça serait comme logique qu'ils s'en départissent parce que ça n'a plus la même fonction. Oui, mais qu'est-ce qui fait dire aux gens, aux banques, en tout cas moi ce que j'ai entendu comme rumeur, puis c'est des rumeurs de jeunes directeurs de banque, c'est que si les jeunes demandaient leur argent, ils ne sont pas capables de payer. Bien, présentement, Qu'est-ce qui s'est passé? Les coffres d'or sont vidés, puis là, l'argent, elle va où? ben, l'argent repose sur la confiance qu'on y donne, la croyance. Ben, c'est ça. Mais ils n'ont pas grand. Hey, j'ai l'autre fois, j'ai pas l'autre fois, il y a 2 ans, là, pour sortir 50 000 piastres, ça a quasiment fallu que j'explique ma vie, que ça n'avait aucun sens. Ça a pris un mois pour que j'aie mon 50 000 piastres. Non, l'argent, puis les questions qu'ils nous posent, c'était tordant. Vous allez faire quoi avec ça? Ben, ça vous. Moi, je réponds en quoi ça vous concerne. Ah, ben, ça nous prend une raison. Ben, mettez une raison que vous voulez, je m'en crisse. Pas de vos affaires. Ah non, Fait que non, mais c'est ils veulent protocole. contrôler. Ils veulent éviter Ben oui, les mais ça n'a pas fraudes. marché avec moi parce que la madame, elle venait. Ben, j'étais très polie, là, je Oui. reste toujours très polie, mais c'était tordant. Ben, elle disait, mais non, je ne peux pas marquer n'importe quoi. Mais j'ai dit, je vous ai dit, je vous dirais que ça ne me concerne pas. Marquez, ça ne vous concerne pas. C'est pas de vos affaires. Mettez ce que vous voulez. Sinon, elle devait un instant, je vais aller voir ma boss. Elle est partie voir sa boss. Elle est revenue, puis elle m'a dit, ça va aller, madame Hébert. Oui, j'ai dit, c'est mieux d'aller bien. Oui. Mais il y a une C'est loi mon argent. qui a été sortie. Oui, c'est ça, mais ça me faisait penser qu'il y a une loi à l'effet que si la personne a sur elle plus que 10 000 $ au Québec, elle peut être arrêtée par la police. Il y a C'est vraiment pas 10 000, c'est 2 000. 2 000. Ah, c'est encore pire. C'est encore Ben pire. oui, je sais, j'étais illégale aujourd'hui. Bon. J'allais déposer. Moi, je les banques, là. Les banques ou les caisses, moi, je les niaise avec ça parce que je pense toujours. C'est vrai, c'est une loi qui est passée. Oui. Maintenant, si tu as plus de 2 000. Ouais, mais ça veut dire que les banques, t'as rien que. Moi, je m'en vais chercher 2 000 piastres à la banque. À part qui d'autre que la banque qui sait que j'ai 2 000 piastres, moi, quand je sors de chez nous, je me fais arrêter par la police après? La banque, vraiment qu'elle appelle la police, là. C'est pas marqué dans ma face, Non, j'ai non, 2 000 c'est plus piastres, moi, là. probable, mais c'est que si, par exemple, quelqu'un, par exemple, Mais. serait arrêté par la police arbitrairement, et qu'elle est fouillée, puis se rend compte qu'elle a 2 000 $ ou plus sur elle, à ce moment-là, elle pourrait être enquêtée par la police, là, parce que là, eux autres, ils veulent lutter contre le crime. Arbitrairement, ça veut dire quoi? Depuis quand qu'au Québec, tu peux arrêter arbitrairement quelqu'un sur la rue? Bien, on a vu ça pendant la pandémie, il me semble, dans le Ben, sens que pendant la période de pas pandémie, fouiller, non, tu as arrêter, mais pas raison, pas fouiller, fouiller. mais je veux dire quelqu'un qui respectait pas le couvre-feu à 20 heures, après 8 heures le soir, qui était sur la rue, la personne, elle pouvait se faire arrêter. Ouais, mais en tout cas, moi, j'ai essayé, mais ils m'ont dit qu'ils n'ont pas voulu. Mais non, Ouais, mais celle-là, tu compares des pommes avec des patates, là, pour moi. C'est pas pareil. Mais en fait, c'est 2 000 $ qu'on n'a plus le Oui. droit d'avoir plus que 2 000 $ sur nous. Exact. Et c'est du. En fait, ce que moi, ce que je dis, c'est que si la banque ne te dénonce pas, c'est un profilage. Ça, c'est du profilage. Autrement dit, t'as-tu l'air d'un crosseur ou pas? Après ça, on vient de nous dire qu'on fait du profilage de noir. Là, c'est rendu qu'on fait un profilage de fric. Eh bien, as-tu du fric? As-tu une face à fric ou C'est pas, ça, mais elle? eux autres, ils vont dire c'est pour lutter contre le crime organisé, la Mais mafia, etc. Ouais. ça ressemble à ça, ouais. Mais on l'a vu à Montréal parce qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté à cause de ça. Puis là, il avait l'air un peu mal habillé. Ils l'ont arrêté sur profilage. Mais la banque a dû appeler la police pour qu'il l'arrête à la sortie de la caisse ou de la banque. Le gars, il n'avait même pas fait 50 pas loin de la banque. Qu'est-ce qui est arrêté par la police? Allô? Connivence de la banque avec les policiers pour des trucs de profilage? Ça commence à ressembler à de la grosse merde, ça. Ben, comme on en a vu pendant les camionneurs avec le convoi de la Liberté qui se sont fait bloquer leur compte bancaire. Donc, c'est une première en termes d'ingérence. C'est sûr que si on se dirige vers une monnaie numérique des États-nations, que ce soit le Canada ou des États-Unis de plus en plus, bien ça va devenir de plus en plus possible parce que ça va permettre le contrôle par les pays à la différence d'une monnaie décentralisée qui échappe à leur contrôle comme le Bitcoin. Je vais étudier ça, moi, l'argent décentralisé, j'aime ça. Ben oui, parce que ça échappe au contrôle des États-nations, par C'est ça. définition, parce que c'est les utilisateurs qui servent de relais puis de support, puis il n'y a pas d'autorité au-dessus d'eux qui va, dans le fond, interférer, parce que tout est programmé par algorithme. Donc, si il y en a 21 millions, il n'y en aura pas 22 millions ou 25 millions, puis la planche à billets éternellement qui amène la dévaluation. En espérant qu'il n'y ait pas d'ordinateur quantique, puis un esti de truc qui est en arrière qui le manipule. Qu'il Je pirate. blague. Mais en fait, par Seigneur. rapport à ça, non, mais sérieusement, parce que le fondateur du Bitcoin, son identité réelle est inconnue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui spéculent que c'est la CIA, puis c'est un montage. Puis autre Ouais. élément, le créateur en possède environ 1 million. Fait que si un jour on voit que la masse du million du créateur d'origine, parce que c'est affiché au niveau des registres informatiques, la quantité qu'il y a, si on voit que ça bouge, il y a des gens comme Quentin Chapeau sur YouTube qui est spécialisé dans le domaine qui dit là, il va perdre confiance au Bitcoin parce que ça va amener une suspicion. Parce que lui, depuis le départ de sa création, il en garde à peu près 1 million. Fait que là, si ça se met à bouger, ça veut dire qu'il se passe quelque chose qui peut être louche. Ouais. On ne connaît pas le créateur du Bitcoin. Non. Intéressant. Il y a un pseudonyme, par Allez, exemple, David, on là. se laisse là-dessus, Oui, là, oui. mais c'est intéressant. Fait qu'on se Ben. quitte, puis je rappelle pour les gens qui nous écoutent, non seulement ils peuvent te consulter pour une consultation pour parler de conscience supramentale, et Non, aussi le bien-être le personnel. bien-être personnel. Es-tu bien ou t'es pas bien? Reste là Voilà la base. OK, puis sinon, ben, pour aussi pour faire des cours de yoga et également de pilates thérapeutique, toujours en présentiel. Je le fais Donc, sur Zoom aussi, j'ai oublié de le bon. dire, mais je fais présentiel les Zooms, mais pas toutes les plages horaires. Mais je peux zoomer en privé aussi, demi-privé, semi-privé. Je travaille qu'en privé, semi-privé, OK, même mes donc, petits tu mes œuvres de groupes ici, manière c'est. décentralisée. Je suis décentralisée. Aussi, ben oui, dans tes Ben activités. écoute, on va s'en reprendre si Oui, tu bien veux bien sûr. un autre moment sur d'autres sujets, mais je vais étudier la chose des prochaines semaines. Ça m'intéresse vraiment. Ben, si tu veux décrypter les crypto-monnaies. Je vais aller me chercher une base, après je vais aller te faire signe. Hey, déniaise-moi un petit peu plus. Mais je vais avoir Ben, une base, savoir de comme quoi que je je parle. t'avais dit, toi, puis les gens qui nous écoutent, vous pouvez vous référer entre autres à Paul de Crypto Formation. C'est un YouTuber, c'est un jeune, mais je trouve très intéressant. Puis vous pouvez, en cliquant là, sur ces liens web, là, accéder à une vidéo promotionnelle qui donne une base. C'est gratuit. Puis par la suite, si ça vous intéresse, c'est sûr, vous pouvez aller plus loin, là, puis vous abonner là, à son infolettre là, à tous les mois. Là, je l'ai fait me s'abonner par rapport à ça Payante, pendant un j'imagine mois. qu'elle est payante, Oui, ça, ou ils sont c'est pas. ça exactement. Là, il y a un club, puis tu as accès à des vidéos, l'infolettre, mais aussi par rapport à ses mouvements de son portefeuille. Donc, lui, il affirme qu'il surperforme le marché, qu'il va chercher plus de rendement avec une gestion active de portefeuille de crypto-monnaie. Et quand il achète, ils procèdent à nouveaux achats. Je reçois un message par courriel en étant abonné. Puis quand ils vendent aussi, ce qui fait en sorte que si je devais répliquer son portefeuille, je pourrais le Tu peux. faire. Exact. Par contre, ce qu'il faut que les gens aient en tête, c'est qu'un cycle de crypto-monnaie, c'est sur 4 ans. Donc, ça coûte environ 1 500 $ par année. Multiplier ça par 4, ça fait environ 6 000 $ Donc, par rapport à l'abonnement à ça, fait que c'est de voir si vous voulez vous, à quel point vous voulez investir. Mais quelqu'un qui voudrait avoir exactement le même comportement en temps réel pour acheter certaines crypto-monnaies puis les vendre, ça peut être possible de le faire. Parce Tu que. dis que la lettre financière coûte 1 500 par année, c'est ça? En fait, l'abonnement, dans le fond, Avoir accès à son à son information, là. matériel exact, c'est 1 500 par année, mais à chaque mois, c'est ça, C'est pas cher. il y a une, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une infolettre. Elle dure plusieurs pages, là, tu sais, c'est très documenté, puis tu as des vidéos aussi exclusives, mais normalement, il fait une vidéo gratuite à peu près à chaque semaine. Intéressant. Je trouve que pas ça. Ben, tu sais, normalement, tu es là pour faire de l'argent. La crypto, 1 500. Moi, je pense que tu peux. On peut, ça dépend combien on investit, mais si tu pars avec ton 2 000, moi, je pense que ça peut se régler assez facilement. 1 500 par année, ça. Ben en fait, si la personne Ça réussit dépend de la crypto que tu Oui, achètes, exact, là, mais tu sais, il y a j'imagine, des cryptos qui vont faire, admettons, une augmentation de 20 % 20 fois en fait la valeur, d'autres 5 fois, d'autres 10 fois, mais quelqu'un qui vise, admettons, une augmentation de 10 fois son capital, quelqu'un pourrait prendre 10 000 $, puis en 4 ans amener ça à 100 000, puis dans un autre cycle crypto, passer de 100 000 à 1 million. million. Donc, en C'est 8 pas ans, atteindre en 8 ans. potentiellement 1 million de dollars avec une gestion active de portefeuille. Si la personne performe bien, là, c'est sûr, c'est des imprévus, puis le Bitcoin tombe, ou tu sais, il peut arriver toutes sortes de situations, là, quand même, c'est très spéculatif. On le Mais. voit venir d'habitude quand on est dans le marché. Il y a des signaux qui sont envoyés. Tu sais, je veux dire, il faut se tenir au courant. C'est un domaine dans lequel tu ne peux pas dormir sur la switch, là. Non, il faut que la personne se tienne informée, tandis que quelqu'un qui investit, par exemple, dans un fonds négocié en bourse qui réplique le SP500, chose que j'ai faite, entre autres, ben sur une période d'au-dessus de 50 ans, tu as un rendement d'environ au moins 10 % par année. Donc, c'est quand même très bien, là, mais c'est pas Ben, autant c'était que très bien dans le domaine des cryptos. avant les 4 dernières années. Ben. Mais là, présentement, de faire du 10 %, c'est en bas pour moi. Ben, même s'ils disent que l'inflation est à 4 %, là, pour moi, 10 %, c'est minimum 15 % de rendement présentement pour au moins garder à peu près De pouvoir l'équivalent d'achat. de le pouvoir d'achat que tu as Ben en fait, présentement. pour ce qui est du SP500, il a fait à peu près 24 % de rendement en C'est bon. 2024. Le Nasdaq 100, 27 %. Donc, c'est quand même au-dessus de l'inflation, on s'entend, là. Bon. Ben, ça, c'est déjà bon. Oui, Donc, pour c'est des bon. gens moins spéculatifs, là, je veux dire, c'est pas spéculatif tant que ça, là, c'est... Ben, en fait, c'est peu probable que si on prend par exemple le SP500, que les 500 entreprises vont toutes faire Tombe faillite à en même terre en temps, même là. temps. À moins qu'il y ait une météorite qui vienne de l'espace qui amène une extinction comme pour les dinosaures, là. Mais sinon, non, mais c'est ça, mais c'est peu probable. Puis s'il y en a une qui fait faillite, ben c'est un fonds qui est auto-nettoyant. C'est-à-dire qu'une autre entreprise va prendre la relève, tout simplement. Fait que c'est sûr que ça, c'est des avenues que je trouve intéressantes en termes de gestion passive du portefeuille. Une partie, moi, c'est ça. Oui, Mais en tout cas, exactement. moi, avec l'or, moi, j'ai juste à faire 40 % de rendement. Oui, là, c'est très bien. Moi-même, au niveau de fonds négociés en bourse, j'ai investi un petit peu là-dedans. Mais pour ce qui est de la période présente, en termes de valeur refuge, j'évalue que le Bitcoin est l'or numérique de demain. Ah, tout à fait. Ça, je suis sûre. Mais bon, on verra, c'est Demain, sûr que. on ne sait pas quand, mais demain. Ben, dans le futur, mais c'est sûr que là. Proche, c'est assez proche. C'est ça. Mais en tout cas, bref, ce qui est important ici, c'est que je ne donne pas de conseils en investissement, là, parce que ça Non, comporte des risques. Je parle les juste de risques. ça à titre indicatif et à des fins d'études avec Mona ici. Mais je pense que c'est un sujet que les gens peuvent avoir intérêt à étudier parce que ça peut être très enrichissant, là. Pas sûr de ça, moi, par exemple. Pas sûr que ça intéresse le monde, David. Non, Vraiment, en effet, je pour parle ce qui pas, est. même pas du collectif. Je parle des gens qui ont tendance à écouter des trucs de ce que nous, on peut produire et d'autres, là. Je pense pas que la finance les intéresse tellement. C'est pas du tout ce que je vois. Non, exactement. Je suis d'accord avec toi. Les vidéos que j'ai faites, tout ce que je parlais de ces sujets-là, l'automne passé, il n'y a eu presque pas Demain. de vues. Non, non, ça n'intéresse pas les gens. Pourtant, je trouve ça enrichissant devrait s'y d'être intéresser bien plus que informé du sur le plan locul. économique. Ben oui. Ben oui, mais ben je le sais, j'arrête pas de le dire. Crissez-moi ça là, locul, votre occupez-vous de votre cul. La survie, notre vie est plus importante que ça. Exact. Il faut apprendre à vivre, à gagner notre vie, à être bien. Puis je t'amène des outils, puis c'est pour ça que je dis ça, je pense pas, que j'ai vu le nombre de vues que tu as faites sur tes monnaies. Puis je regardais ça, je dis, on est nul à chier. Ça n'a pas de sens de ne pas avoir d'intérêt pour ça. Mais pour une chicane dans deux initiés, il va y avoir 700 castis d'idiots qui écoutent, par exemple. Alors, pas de problème, ça. Ah, ça, Je c'est vais revenir clair. là-dessus. Hein? Hein? Mais 3, 30 écoutes pour de comment s'enrichir, ça. Ça, c'est plate dans la vie. Mais pour diviser, pour régner, ça, on aime ça, des gros titres, puis du monde des idiots, puis des fous, puis des initiés, tous des cons, puis tout le monde est des cons. Ah, ça, on aime ça. Il y a 400 personnes pour écouter ça. Complètement débile. Bon, passons au sujet suivant, je vais te laisser là-dessus. Oui, et je vais te souhaiter de belles fêtes de soirée, bonne fête de soirée aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, ça a été un plaisir de te retrouver après. Merci. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de même aussi, tu vois, ça m'épuise. Ben là, toi qui me disais que tu étais pleine d'énergie. Ben, j'ai du gaz, mais j'avoue que je parle beaucoup moins qu'avant. Peut-être je vais reprendre l'exercice avec toi un petit peu, mais comme j'enseigne, je parle, Oui. je fais un petit peu de coaching avec des gens, puis que j'accompagne, je parle. C'est peut-être ça qui fait que j'ai moins le goût de parler aussi. Puis j'ai un chum qui parle pas beaucoup, puis c'est très bien, ça me fatigue moins. Et je suis allée longtemps qu'il parlait pas assez, mais finalement, ben, je trouve ça, tu vois, ça venait d'une pensée des esprits, ça, de l'époque. Il parle pas assez, mon chum. Ah, c'est plate. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui parle. Oui. Bullshit. J'ai pas besoin de quelqu'un qui parle. J'ai besoin de quelqu'un qui me calme puis qui est grande. Ah, pas Pas pareil. pareil. Mais c'est ça, Pas parce que pareil. dans le fond, la personne peut mésinterpréter ses besoins réels sous influence d'esprit ou d'astral, si on peut dire. Oui, mais l'esprit, c'est plus subtil que l'astral. L'astral, on le sent facile. Les esprits sont crissement plus subtils. On peut se faire piéger longtemps là-dedans. Le monde spirituel, d'ailleurs, c'est tous des hosties d'esprits d'épais dans lesquels tout le monde est pogné là-dedans. Eh bien, pas tout le monde, pardon, je corrige. Faut faire Beaucoup. attention. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Qu'est-ce qu'on transpire, là, plein les narines? De la spiritualité fond la caisse. Ah, ça donne envie de vomir. Oui, C'est ça, c'est des esprits, ça, qui font ça. ben en fait, comment dire, la religion a été. Ouais, oui, c'est la même chose, Oui, mais ben c'est là que je connais j'allais dire, ça. c'est parce que la religion a été remplacée au Québec par le Nouvel Âge. Ah oui, C'est ça Carlis. l'affaire, là. Je sais pas quand est-ce que ça va brûler ça, mais c'est ça qui nous brûle, puis qui fait qu'on est assis sur notre steak, puis qu'on attend. Je L'avenue sais du pas grand quoi, monarque, le Messie, les le sauveur. extraterrestres qui vont venir nous sauver, les Elohim qui vont venir éventuellement. Ouais. Ouais. Oui, Bye. Passez une belle soirée, tout le monde. Merci de votre toi écoute. Merci, pareillement. David. Donc, Puis prends bien soin de toi et de ta belle petite famille. toi pareillement. Puis les gens qui nous Ben écoutent oui. aussi. Donc, en ce début de nouvelle année 2025, c'est important de s'occuper de soi. Hein? Ça va être encore une année de dévoilement, David, cette année. Ça continue. Ben. C'est juste dire ça me passe de même à l'esprit. Oui, ben. C'est parce que là, C'est peut-être juste de l'esprit. Oui, exact. Mais j'ai l'impression que Trump va brasser de la marde. Excuse-moi l'expression, là. quelques mois, peut-être, mais la Mais marde, c'est il pas va lui qui amener certains. brasse, En mais... tout cas, il va amener des choses à surface que les gens ne voulaient pas nécessairement voir. Moi, j'ai observé des réactions comme, par exemple, Mark Zuckerberg, qui est Ah, le le responsable meilleur de qu'il fait. Facebook. Ben oui, il a fait son mea culpa l'automne Hey, passé. il est effrayant, ce gars-là, quand vous le regardez. L'avez-vous regardé comme faux? Hey, je suis pas capable de regarder ça, moi, ce bébite-là. Moi, Là. je Je le sais pas ce qui trouve, l'habite, là. ben, je le trouve laid. Il Ah, mais dégage quelque il est chose qui laid, n'est mais pas il est laid beau. par en dedans puis par Aussi, en c'est ça, dehors. la Il est laid vibration qui partout. dégage est pas belle. Mais ce que je suis content par Ben rapport à lui, non. puis sa sortie publiquement à l'automne passé, c'est qu'il a déclaré que par rapport à l'administration Biden, c'est qu'il y a eu des pressions répétées sur son équipe pendant les mois pour, dans le fond, censurer certains contenus COVID-19, y compris l'humour et la satire. J'ai ça devant moi, là, c'est un article qui a été Oh publié. ouais. Oui, puis il a financé Fact-Checker à travers la pression qu'il a subie aussi. C'est ça, puis récemment, il déclarait qu'il allait enlever les fact-checkers, là. On a Ah, vu là, que... ça pleure. Ben oui, ben c'est ça, là. C'est que, vu que Trump est élu, puis il avait, dans le fond, exclu Trump de Facebook il y a plusieurs années, là, il a vu que Trump parvenait au pouvoir, fait que là, il a changé son fusil d'épaule, puis il modifie son approche pour être plus favorable à la liberté d'expression. Je Mais... pense qu'il est sous chantage, moi. Ah, ben, c'est clair. Probablement que ce qui est arrivé, c'est que sous Biden, la CIA, puis d'autres agences, ils ont dit, ben, il va falloir que tu te soumettes à nos règles de contrôle du narratif en lien avec la période dite de pandémie, sinon on te ferme ou on va sortir un scandale par rapport à toi ou autre. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de sadique en lui, là, que je suis pas convaincue qu'il n'a pas fait des hosties de saleté. Exactement. Donc, Il y a quelque chose de sadique chez cet homme-là. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais comme le Pierre-Elliott Trudeau aussi, sadique. Regardez des photos de Pierre-Elliott Trudeau. Vous êtes trop jeunes, vous autres, là, mais moi, je l'ai Ah ben connu. moi je l'ai vu quand même dans Et des que c'était pas beau, ça. reportages. Non, Justin, à côté de ça, c'est un gros gâteau à la tarte, hein, non. à côté de Pierre-Elliott Trudeau. Il est très tarte, là, mais... Ben, en tout cas, il a battu son père pour endetter le Canada. Ah, mais ça, pour être... C'est parce que c'est pas lui qui mène le pays. C'est pas lui qui a endetté le Canada. C'est l'Ouest. Calice. Le Bon, quoi? bye. Bonne nuit. OK, bon, on arrête de parler, c'est beau. Ah, bonne nuit, tout le monde. Allez, on en reparle. Bye, David. Bye.